Rendez-vous dès demain sur Fun Radio, on compte sur vous. Voici Mickaël No Limit. Oui. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va bien. Bon week-end. Ah oui, excellent. Oui. Bon excellent week-end. Très bien, nous on a passé avec des gogos danseuses, c'était plutôt pas mal. On a vu ça sur Instagram, on s'est fait plaisir un peu. Écoute, on s'est plutôt fait plaisir au Havre. Je remercie encore une fois le Caliente qui nous a bien reçus. Quand est-ce qu'on va au Havre? Et quand est-ce que vous nous emmenez avec vous, moi? Mais vous êtes sérieux? Je vous ai demandé jeudi. Non, c'est vrai, je reconnais. Tu leur as demandé. On va pas aller avec ces nazes. Eh bah très bien. La prochaine fois, j'inviterai le doc et pas les autres. Voilà. C'est normal. On a jamais dit ça. On attend vos invitations. Tu peux quand même. Bien sûr, bien sûr. Vous bougez encore ce week-end en plus? Ouais, ce week-end on va au ski. Ah bah je viens. Tout le monde vient là. Tu penses? Et on fera l'émission direct de Grenoble dimanche soir. Je viens aussi. Oui, j'imagine. Ouais. En même temps, vous avez le temps de venir avec nous, hein. C'est pas pour ce que vous bossez. Voilà, ici. Ça s'appelle un moment de solitude, ça aussi. Hein. Bisous les garçons, bonne émission. Allez, salut à vous, ciao, à demain 20h. Bye et Pino, on est parti jusqu'à 2h. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternel? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, on est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, eh ben, ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Il a fait beau, il a fait chaud. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que les premiers beaux jours reviennent, hein, où il y a un peu de soleil, tout ça, etc., eh ben les gens sont heureux. Les filles sortent les petites jupes. Enfin bref, c'est la folie totale. Donc tout le monde se balade dans les parcs, se pose en terrasse, boire un petit café, voire même un petit milieu. Enfin bref, n'importe quoi. Un petit alors, chez Coréo. Ben oui, alors que c'est le moment de crier partout qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Tous les soirs de 23h à 2h et tous les dimanches soirs de 20h à minuit. C'est l'occasion, si vous le faites pas à ce moment-là, quand est-ce que vous voulez le faire? Ben oui, c'est ça, c'est maintenant, il faut le dire. On essaiera de le faire à la montagne à Orcières, tiens, ce week-end. Oh, on va prendre le mégaphone sur les pistes. Et on va faire des avalanches. Tous les soirs. Si Toff peut mourir, ça serait sympa. Grave, il y a Marquette. Ouais, ça nickel. Mais Marquette comme le marché? Non, bah ouais. D'accord, mais c'est quelle origine Marquette? C'est compliqué. Non bah tu sais quand même de quelle origine ça vient. C'est je sais pas, bon, français, marocain, c'est turc. C'est un délire avec un soir. Ah mais c'est pas ton prénom? Non, c'est un prénom. Oh, d'accord, me voilà rassuré. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Marquette? Par contre, je suis le tram, tu vois. D'accord, ok. Ah oui, je comprends. Ok, d'accord. Et donc, en fait, Marquette, ils t'ont appelé comme ça parce que t'es le fournisseur officiel de l'équipe? Ouais, pas trop ça, à peu près, vite fait. Non, je sais pas, moi, je demande, ouais, je me renseigne. Bon, t'as passé une bonne journée, Marquette? Délinquant. Ouais, tranquille. Ça tranquille. T'as fait quoi, là, à Bordeaux? J'ai été voir des meufs. Mais écoute, tu fais très bien. Tu fais très bien. C'est t'es en vacances. Non, t'es plus en vacances. Je fais rien. Bon bah t'es toujours en vacances, c'est encore mieux comme ça, effectivement. Ouais. Bon Marquette, bah écoute, reste avec nous, on va parler avec toi dans quelques instants. On aura également Mel qui est avec nous aussi. Salut Mel. Ouais, salut Mickaël. Ça va bien? Bon, ça va et toi? On t'avait eu, ouais, bien sûr, on t'avait eu hier soir au téléphone parce que toi tu bandais tout le temps et que t'allais à la piscine et tu voulais des conseils pour avoir un truc pour ne pas bander. Aujourd'hui t'as été à la piscine et tu vas nous dire dans quelques minutes comment ça s'est passé. Est-ce que t'avais le braquemar, puisqu'il y avait des filles à la piscine? Est-ce que t'as eu le braquemar? Est-ce qu'on s'est foutu de ta gueule ou pas? Tu nous racontes ça dans quelques minutes, Mel, d'accord? Ça va. Parfait. Okay. Bon, vu l'état de ta voix, comment te dire que je pense qu'on va se marrer. Bon, pour passer à l'antenne avec nous, eh ben c'est facile, hein, vous faites le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. On parlera ensemble de ce que vous voulez. Sandro qui est avec nous également en pleine forme ce soir, radieuse, oui. Sandro avec le soleil. Ah, je kiffe. Et elle a perdu du poids. Et... Non, en fait, elle, il y a le soleil, s'emballer. Il faut pas tout. Parce que le régime a commencé aujourd'hui. Oui, on a commencé aujourd'hui. Ah. Comment? T'entends mal. On a commencé aujourd'hui avec Cécile. Ouais. On se motive à deux. Voilà, Cécile qui est sa sa collègue. Non, c'est sa sœur de poids. Sa sœur de poids, voilà. Donc elles ont commencé le régime toutes les deux aujourd'hui. Cécile dit la salope. Mais ça, c'est entre nous, ça reste entre nous. Voilà, donc régime, elles ont en duo, quoi. En duo, c'est ça. Ah bah ça va être bien. On va voir. Allez nous soutenir de toute façon. Ouais, oui, ah, bien sûr, évidemment. Vous faites fondre tout ça. Bien. Bah bien sûr, on va faire fondre ça comme la neige ce week-end. On va la faire fondre. Et Toff qui s'est promené dans Paris en vélib aujourd'hui pour mater les meufs. Ah bah ouais, grave. Attends. Je l'ai appelé tout à l'heure, j'entendais. Qu'est-ce qui branle, ça abruti. Et j'entendais du bruit, je me dis, soit il était en train de baiser sur le toit d'une voiture, ce qui paraissait peu probable. Non, non, en fait, après réflexion. J'étais juste à bout de souffle après avoir remonté les champs. Donc. D'accord, ok, bon, vu comme ça, ok. Et donc, on va voir si le beau temps joue sur l'humeur de tes amis. Le gros bâtard de ta race. Hein. Voilà. Français de merde, avec ton accent pourri, là. Bon, c'était un Corse que nous avions appelé, bien entendu. C'était la semaine dernière. Polo qui déteste le soleil, lui, c'est la journée enfermée, la radio avec la clim à fond de balle. À fond de balle, j'avais ma doudoune et j'étais à fond de balle. Avec son bonnet. Non, pas que je déteste, mais ça m'insupporte. C'est très pas pareil. Ah bon, bah voilà. Bon, et puis journée soleil, pépère, hein, moi j'ai bien profité aussi. Une couleur exceptionnellement. Bon, après, en même temps, il fait pas non plus encore super méga over chaud non plus. Mais bon, en tout cas, on passera le week-end au ski et je compte sur vous pour venir nous rejoindre. On sera à Orcières-Merlette, c'est à 1850 mètres, tout près de Grenoble. Et on fera l'émission en direct de Grenoble aussi. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et on parlera de tout ça tout au long de la soirée. J'espère que vous viendrez nombreux parce qu'on aura un défi à vous faire faire avec notre aide, bien entendu. Bon, on va faire la colle également avec François, avec nous des Yvelines. Salut François. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Très bien, toi? Eh ben écoute, très très bien François, tu vas jouer ce soir pour gagner l'iPad mini toi. Ça peut être sympa ça, un petit iPad mini pépère là. Bah ouais. Eh bah grave. Bon, pour le gagner c'est très simple, il va falloir que tu balances une colle et que bah surtout t'arrives à coller tout le monde. Hein. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appellera tout à l'heure ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, eh bien c'est toi qui gagne. Vas-y François, on t'écoute. Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je? Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc, qui suis-je? Ah bah oui. Bah non. Tout le monde en a parlé ce week-end, tout le monde. Enfin bon, je vais pas donner 30 indices, sinon ça va te niquer le délire François, mais tout le monde en a parlé ce week-end, alors là, ça y est, c'est parti, alors que dans une semaine il va pleuvoir et il va faire dégueulasse. Mais bon, je n'en dis pas plus, non pas le soleil, non. Je n'en dis pas plus, mais on en fait, je vais pas dire grâce à lui. Coupe ta radio, François, s'il te plaît, ou enlève le kit ma libre ou le haut-parleur. Parce que ça résonne. T'as rien du tout? Bah alors on va te rappeler là. Bon, bah alors François, reste avec nous. On va te rappeler parce que tu restes avec nous jusqu'à 00h30. On donnera la réponse à la colle de ce soir aux alentours de 00h30. Et puis on verra aussi lequel d'entre vous gagnera donc l'iPad mini qu'on met en jeu. Voilà, je répète encore un coup. Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je? Pour jouer avec nous, c'est facile. Envoyez Mickaël suivi de votre réponse. Envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi. Je vous mets la colle dans 2 minutes sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Voilà. Marquette, t'as envie d'écouter un son particulier toi ou pas ce soir? S'il y a un truc qui te vient comme ça à l'esprit, hein, tu me demandes et puis je vois si je peux. Le son là, chelou là, DB Sound là, ou je sais pas. Ah, DB Sound, celui-là, DJ Fresh. Ouais. Ah, il est chelou, ouais. Ouais, celui-là, il est typant quand t'es calé, t'es calé. Ah ouais, tu mets ça à fond, je peux dire que t'es en. Hey, ça pour le réveil. C'est vrai que ça fait sonnerie, ouais. Ah bah mec, je peux te dire que ce matin, j'avais mis le réveil, j'avais mis sur fun, j'ai eu ça. Ah putain, ça m'a retourné la tête, hein. Voilà, tu mets ça, t'es directement au taquet là. Et toi, Mel, t'as envie d'écouter un son en particulier ou pas, Trappe? Moi, j'aimerais bien écouter les Daft Punk. Les Daft Punk, lequel, Instant Crush? Ouais. Très bien, parfait. On l'avait dit la semaine dernière avec un Twitter, Instant Crush. Voilà, bah, c'est lui qui l'avait dit comme ça, hein. Instant Crush et Daft Punk. Instant Crush, ouais. Voilà, Daft Punk avec Instant Crush. Eh ben, je vous le cale tout à l'heure. On mettra aussi Pharrell Williams, tiens. Et puis un morceau que j'aime beaucoup, on le cale avant minuit. Major Lazer et Shana Paul. Moi, j'aime bien celui-là. Ouais, moi aussi, ouais. Comme To Me. Marquette et Mel, vous aimez bien celui-là? Ouais, très bien. Bon bah parfait, alors restez là. Mel va nous expliquer dans quelques minutes comment est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a été à la piscine, il nous avait appelé hier parce qu'il avait. Bah il bande tout le temps, voilà. Donc ça l'emmerdait un petit peu, il allait à la piscine et il avait peur de bander tout le temps. Donc on avait essayé de lui donner quelques conseils. Et puis bah après on s'est dit bah on te rappelle demain pour voir comment ça se passe. Au retour de la piscine, évidemment. Mais en attendant, eh ben c'est le retour de Marquette, donc de Bordeaux, qui nous appelle pourquoi du coup Marquette? Bah parce qu'au fait, si j'y habite, elle part vers le bas, en fait. Oui. Elle est triste. Ouais, ça fait style comme une banane, tu vois, quand... Ah oui, oui, tu oui. Tu vois la banane, tu la mets droite, elle part vers le bas. Oui, toi, oui, complètement. Ah putain, voilà, mais comment ça se fait? Bah je sais pas. Mais t'as toujours été comme ça? Bah ouais, c'est... Mais si... Il y en a, ça part à gauche, il y en a, ça part à droite. Il y a que la mienne, elle est droite comme une autoroute. Et ça, c'est parce que c'est Mickaël. Bah, exactement. Il ne veut pas être tordu. Voilà, non, mais pour le coup, non, véridique, hein, elle est complètement droite. Non, mais parce qu'en fait, c'est le corps caverneux qui est pété. Ah bon? J'avais vu ça, parce qu'en fait, moi, elle te penche sur la gauche à fond de balle. Ah bon? Et donc, ça, ouais, elle fait comme ça. Enfin, toi, je fais un virage. Elle fait un virage. Et toi, elle est comment? Pareil, ouais, moi aussi, elle part légèrement à gauche. Ouais. Ah, ouais. Et Sandro, t'es déjà tombé sur un mec qui avait une bite tordue? Toi, Sandro, ouais. Et ta bite, alors. Non, j'ai déjà eu, mais en plus, pour le rapport sexuel, c'était compliqué. Ah bah, tu te mets sur le côté, tu rentres un briquet, tu t'abriques de l'autre. Ça fait mal. Non, mais attends. Déjà, non, mais le mec, c'était un 90 degrés ou quoi? Penché, ouais. Non, non, elle a raison, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'aime pas l'Amazon, que la meuf est sur moi, parce qu'en fait, ça me fait mal. Comme elle est penchée sur le côté. Ah bah, ouais. Moi, j'aime beaucoup, parce que moi, c'est droit comme. Voilà, c'est ça, droit, quoi, comme un bâton. Mais du coup, tu mets la meuf de travers. Et ouais, tu la mets un peu de travers. Ouais, bah ouais, c'est la mec, tu la tiens, franchement. Mais Marquette, ça te pose des problèmes, toi, quand tu couches avec une meuf? Ça dépend quelle position. Ah bah ouais, forcément, ouais. Genre l'Amazon, la meuf qui est sur toi, toi t'es couché, la meuf elle est au-dessus, elle est à cheval sur toi. Bah en fait c'est gavé chaud pour rentrer, mais par contre après dès que c'est rentré... Après ça va. Voilà, ouais, moi c'est bon, dès que c'est fait quoi. Bah ouais. Moi c'est pareil, en fait j'ai du mal à rentrer, tu vois, genre si je guide pas ma bite dedans, j'ai du mal à rentrer comme elle part un peu sur le côté. Ah oui, c'est parce que c'était une petite bite ça. Ouais, c'est mais c'est ça. Ouais. Mais non, parce que justement ça devrait. En fait chez toi elle va en zigzag. Voilà, c'est ça, elle teste un coup à gauche, un coup à droite. Comme elle est en tire-bouchon, un coup à gauche, un coup à droite. Je suis obligé de tourner la meuf pour arriver à rentrer. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, Marquette, il y a déjà des filles qui t'ont fait des remarques à ce sujet? Deux filles, qu'est-ce qu'elles ont dit? Bah si, que ça dérange, qu'elle voulait pas. Ah bon, bah putain, ça alors. Bah appelez-nous si vous avez déjà eu si vous avez ça, la bite de travers, ou si vous êtes déjà sorti avec un mec, les filles, qui avait effectivement une bite de travers, bah on va en parler. Reste avec nous, Marc. Oui, Marquette, tu disais? Juste que je peux dire à mes potes que je suis devant pour qu'ils m'ouvrent, s'il te plaît. Juste ouais, ils sont cons. Pardon, mais ils ont pas un bouton, ils ont pas une sonnette? Non, mais c'est chaud, en fait. Devant, okay. une vieille... Ouais, ouais. Très bien. Bon, ouais, bah, le message est passé. Donc, Marquette est là, il est en bas, il attend qu'on ouvre. Hein, donc, si vous pouviez un peu vous manier le cul, là. Ah, bon, bah voilà, c'est ouvert. Bon, bah Marquette, reste avec nous. On va récupérer Mel avec son histoire de piscine dans quelques minutes. Il y a Romain qui dit Toff a une queue en tire-bouchon. C'est pour ça, en fait. Ah, bah peut-être. Et Amélie aussi, je suis en train de vous écouter à cette heure-là. Alors que demain, j'ai mon brevet blanc, mort de rire. Je vous kiffe, vous êtes trop les meilleurs. Merci, merci Amélie. Ah non, c'est quoi? C'est qui? Parce que les messages sont arrivés d'un coup. Merci Amélie, voilà. Il y a aussi Devers45 qui dit c'est vrai, dur comme de niquer avec une queue tordue. Moi, j'ai pas à me plaindre, la mienne est droite comme une autoroute aussi. Bah voilà, c'est ça les meilleurs, Devers. Yaku aussi, El Tchétchen qui dit un message de bienvenue pour les nouveaux, s'il te plaît. Bien sûr, pas de problème. Allez, hop là. Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir. Voilà, El Tchétchen. Et Théo également qui dit tu nous avais pas dit que tu passerais hélicoptère de Martin Garrix si continuez comme ça, vous déchirez tout. Oui, t'as raison, effectivement. Bah, tu vois, j'avais oublié, heureusement que tu me l'as rappelé. Alors, Martin Garrix avec l'hélicoptère, il est là et je vais le mettre donc dans quelques minutes. Voilà, hop là. Martin Garrix qui va débarquer effectivement. Et puis dans quelques minutes là, Pharrell Williams avec Happy. Et Amira qui dit trop chou Mickaël, je viens de te découvrir et j'ai oublié toutes les autres radios. Il y avait des autres radios, tiens. Tiens. Moi, bah, je ne me souvenais pas. Bah, merci beaucoup, Amira. Sois la bienvenue sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et appelez-nous, hein, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Bonne nuit, tout le monde. It might seem crazy what I'm about to say. Et il est 23h17 sur Fun, c'était Pharrell Williams, c'est Happy. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Et bah évidemment, oui, évidemment, en direct sur Fun Radio, on est au cœur du Nord sans pub également. Également, là, il y a Guillaume qui dit tu sais qu'un appel masqué peut te démasquer, c'était fucking drôle, là, ça avance, ça me manque. Si tu peux le remettre un petit coup, sinon vous gérez, je vous écoute tous les jours depuis le Québec, comme toujours. Fun, tant pis, attends, c'est quoi? Et puis Toff, comment il fait pour se faire autant insulter, pauvre petit gars? Et puis avec sa petite bite tordue, en plus, personne doit vouloir de lui. Bah, je le remettrai tout à l'heure, le vous savez qu'un appel masqué peut te démasquer. Il y a Mickaël Apéro qui dit pour Orsière, dommage, je fête mon anniversaire et celui de ma chérie, sinon je serais venu pour vous rencontrer avec plaisir. Ah bah viens, Mickaël Apéro, viens avec elle, on paiera le verre, on paiera un petit verre. Non, je propose que Toff paye les verres. Mais voilà, oui, Toff paye son verre. Non, verres et vous paierez le contenu. Non mais sérieux, même si tu viens un seul jour, même vendredi ou le samedi, un des deux jours, pas de problème. Il y a le Buff Ferry qui dit Sandro au régime, ça c'est regrettable, moi qui venais de faire une tournée livret de financiers au chocolat et bananes. Je m'apprêtais à les emballer pour les lui envoyer. Tant pis, c'est moi qui vais les bouffer. Et bah, bon appétit le bœuf ferré. Et Tom également aussi qui dit, moi aussi, comme Marquette, j'ai la bite qui part vers la gauche. Ah oui, ça c'est marrant. Bon bah appelez-nous, dites-nous si c'est le cas chez vous aussi. 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0 si bah, vous aussi vous avez la bite qui part un petit peu de travers ou si vous êtes déjà tombé sur un mec qui avait effectivement ce problème entre guillemets hein, c'est-à-dire la bite qui part de travers. Tiens, et est-ce que si vous pouviez changer de nom pour prendre un nom de 99 caractères, est-ce que vous le feriez? Non. Oh, enfin, ça fait compliqué quoi. C'est un peu long mais why not. Ouais oui, bah, tu le ferais toi Mel ou pas toi? Non, tu changerais pas. Bon, et toi Marquette? De quoi? Est-ce que tu changerais ton nom pour un nom de 99 caractères? Non, ça sert à rien. Ah bah oui, je te confirme. Et toi Xavier, ouais, qui est avec nous également d'Auxerre là, salut Xavier. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, ça a l'air hein. Tu changerais ton nom toi pour un autre nom de 99 caractères? Non. Non, tu le changerais pas. Avec une lettre j'ai assez. Ouais, et vous changeriez ou pas? Bah je sais pas, peut-être que je m'appellerais Polo contre le reste du monde sur Fun Radio. Ouais, mais ça fait pas assez de caractères, il en faut 99. Ouais, non, c'est maximum, tu peux en faire moins si tu veux. Ouais mais bon, parce que c'est en fait c'est un néo-zélandais qui vient de le faire, il s'appelle maintenant Full Metal Avoc More Sexy and Intelligent Than Spock and All the Superheroes Combined with France Nova. Alors qu'on peut traduire donc par Full Metal Avoc est plus sexy et intelligent que Spock et tous les super-héros combinés avec France Nova. Non. Voilà, complètement con mais c'est comme ça, le mec est néo-zélandais si vous voulez. Donc venez nous dire ce que vous prendriez comme nom si vous pouviez choisir un nom de avoir un nom de 99 caractères ou un peu moins, mais qu'est-ce que vous prendriez comme nom complètement absurde? Ouais, je ferais un truc du genre je m'appelle Toff et j'ai envie de toi, est-ce qu'on peut non, baiser non, ce je soir? M'appelle Toff et j'ai la bite tordue. Aussi, mais voilà, c'est je ça. Le mettrais pas dans mon nom, ça par contre. Ah ouais, tiens, étonnant. Non. Hein, étonnant. Non, ouais. Bon, comme ça, c'est la seule fois où je peux le placer, tu vois, la meuf, comme ça, si elle s'énerve, je fais non, mais c'est mon vrai nom, regarde. Bah, oui. Bon, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. Johan également qui dit coucou Mika, une fois de plus, à vous écouter comme chaque soir, que du bonheur et un baptême de fou rire. Oh, merci Johan. Et Emmerich également sur le Twitter, hein, qui dit avant, j'écoutais notre radio et puis je tombais sur Mickaël et j'ai compris mon énorme erreur. Continuez, mec, vous me faites marrer. Oh, ça, c'est gentil, Emmerich. Merci à toi. Et n'oublie pas d'ailleurs de préciser, bien sûr, à tes potes qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio en direct et sans pub. Ah, on a quoi, on a 30 secondes de pub par soir, donc c'est pas énorme non plus contre les autres qui en mettent 30 secondes toutes les 10 minutes, ce qui est quand même relativement chiant. Bon, on a Alexis qui est avec nous également des Bouches-du-Rhône. Salut Alexis. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Super. Bon bah bienvenue à toi Alexis. Alors merci. Alexis, toi tu voulais nous dire que t'as aussi la bite de travers. Eh ouais, malheureusement. Ah bon, ben merde, oh, alors malheureusement, comment ça se fait? Oh ben moi, elle part comme presque tout le monde là, à gauche, c'est ouais, horrible. Elle part à gauche, mais moi c'est dingue. Comment ça se fait qu'elle part à gauche? Parce que ou à droite? Je pense il doit y que avoir c'est un gène dominant. Non, France, non, c'est notre. À mon avis, il y a un petit souci dans le corps caverneux. Ouais. Alors, petit ouais, cours de bio. Est-ce que je peux avoir une musique de cours de bio? Musique de cours de bio. Ouais. Alors attends. Le professeur Polo va parler. Oui, bah une seconde. Le professeur Polo. Attends, je cherche la. Ben voilà. La verge se compose d'un corps spongieux et d'un corps caverneux. Le sang afflue dans le pénis afin de faire gonfler le corps spongieux, ce qui donne l'érection. Et quand le d'où corps le... Quand le corps caverneux est pété, ça fait pencher sur la gauche. D'accord. Mais tu peux rajouter un peu de silicone. Enfin, pas toi-même, c'est mais ça, faire une opération. Bien sûr, tu peux faire une opération pour t'en remettre la bite droite. Ouais. Moi, j'ai longtemps cru que c'est parce que je me branlais trop. Non. Bah non, ou alors si tu te branles en tirant vers le côté, mais bon, tu sais, ça fait tour de piste comme ça. Et donc du coup quand j'étais plus jeune, quand je découvrais la branlette, en fait ce que je faisais pour essayer de la remettre droite, c'est que je la calais quand j'étais en érection. Je me branlais. Et donc en fait une fois que j'étais en érection, je me la calais sous la cuisse en espérant que ça la fasse s'incurver de l'autre côté. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Et toi Alexis, alors t'as déjà. Ça te pose un problème qu'elle soit de travers? Bah non, parce que pour l'instant il y a juste mes potes qui se foutent de ma gueule, mais bon, le jour. Bon, enfin en même temps ils la voient pas aussi, hein, sauf si tu la montres à tout le monde. Non mais dans les vestiaires c'est vraiment mes meilleurs potes. Ils sont tellement cons, enfin bref. Ah t'as Toff toi en pote alors? Pardon? T'as Toff en pote toi alors? Ouais c'est ça. Ah ouais d'accord, ok. Il y a un Toff qui s'appelle Tanguy mais... C'est ouais, le même quoi, c'est à peu près le même. Ouais ok d'accord. Non mais vu comme ça alors effectivement je comprends. Bon et donc bah merci Alexis en tout cas d'être passé, bah tu reviens quand tu veux hein. Ah bah avec plaisir, ça et je t'as prévenu tes potes au moins? T'as prévenu tes potes quand tu passes à l'antenne ce soir? De quoi? T'as prévenu tes potes au moins que tu passes à l'antenne là? Ouais. Tous ceux du vestiaire. Très bien, parfait. Bon bah c'est cool, on les embrasse. Salut Alexis, merci à toi. Salut. Et t'es dans quel bahut toi Alex? Moi je suis à Viala-la-Côte, à Saint-Provence. À Saint-Loup-Provence. Et t'as repris les cours là? Ouais, putain, c'est tarpin chiant. Aujourd'hui? Non, hier. Comment ça, hier? On était dimanche. Bah oui. Ah non, les gars, excusez-moi. Aujourd'hui, mais parce que. Comme je vous ai écouté hier aussi. Ah d'accord, et l'autre il est complètement perdu. En fait, il était dimanche au bahut, il n'y avait personne. T'es arrivé avec le sac. Bon, je comprends pas. Il y a vraiment personne aujourd'hui. Hein. Tout le monde a zappé les cours. Donc. Bon, bah, merci Alexis en tout cas. Et on embrasse tout le monde dans le bahut de Provence. Salut Alexis, à bientôt. Ciao à toi. Merci les gars, je vous aime trop. Ah bah merci Alexis. Hey, salut. Calme-toi, on n'est pas de ce bord-là. Et reste avec nous Alexis, je vais te repasser Sandro, on va te filer un pack fun. D'accord. À bientôt, salut Alexis, ciao. Bon, ciao. Et le retour de Mel maintenant. Alors attention, Mel, attends, hey, Alexis, j'ai pas fini. T'as cours de piscine toi ou pas, natation? Ouais, mais juste avec l'école. Ouais, bah bien sûr. Mais est-ce que t'as eu le même problème que Mel, comme tu nous as écouté hier, savoir hier, de quoi on parle? Oui, franchement, je me sentais trop visé parce que ça m'est déjà arrivé. Ah, et alors, t'as fait quoi toi pour te débarrasser de l'érection? Moi, je la calibre vers le haut et ça partait tout seul. Ah ouais, comme j'avais dit, ouais. En fait. Ou tu la tapes? Non, tu tapes ta bite, tu dis, arrête, casse-toi, non, non. Truc, dégage. Sur le bord d'un meuble. Tu fais la gueule d'un mec pour faire diversion et puis ça passait. Ouais, c'est vrai. Ça, quand t'as ce problème-là, tu peux aussi effectivement te foutre de la gueule de quelqu'un d'autre pour envoyer tous les regards sur l'autre personne. Exactement. Faut trouver une victime. Ouais, bon, alors Mel, du coup, ça s'est passé comment toi hier? Enfin, aujourd'hui plutôt. Aujourd'hui. Donc, moi, je suis allé à la piscine et tout, normal. Mm-hmm. Donc là, la prof, elle commence à expliquer qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je bombe. Et là, il y a tout le monde me regarde et tout. Après, il y a un pote à moi, il dit oh, regardez Mel, il commence à bander et tout. Après, je le balance dans l'eau. je balance dans l'eau et là, qu'est-ce que je me prends? Je me prends 3 heures de colle et un conseil d'éducation. T'as pris quoi, 3 heures de colle? Et un conseil d'éducation. Oh putain, tout ça parce que quoi? T'as tout ça parce que tu l'as poussé à l'eau? Oui. T'avais qu'à dire que c'est un exercice, hein. T'avais qu'à dire, attendez, je vais sur le plongeoir. Voilà. Mickaël. Ouais. Je vais te demander est-ce qu'on peut l'appeler parce que je vois pas pourquoi il a fait ça alors qu'il sait très bien que j'ai un problème. Oui, mais parce qu'il est. Non, mais parce que voilà, mais ça, je cherche pas à comprendre. J'allais dire parce qu'il est con, mais c'est pas vrai. C'est juste parce que le mec il voulait se marrer, c'est tout. Tu sais, c'est comme les mecs ou les meufs, tu sais, qui ont un défaut physique ou un bouton sur le nez ou j'en sais rien, les oreilles des. Enfin bref, n'importe quel problème, on sait que se foutre de leur gueule c'est méchant, mais ça fait marrer. En fait, c'est l'attaque des pauvres. Tu vois, c'est ceux qui ont pas trop de répartie qui se foutent de la gueule du physique. Le minable. Et du coup, c'est facile. Non, mais c'est facile. Et forcément, après, tu suis et puis ouais, t'es mort. Hein, donc ça, c'est sûr. Hein. Ah, pour peu qu'il écoutait la radio hier et qu'il ait entendu que t'avais ce problème-là, je peux te dire qu'il a foncé dessus. Hein. Ah bah oui, ça, toi, tu lui aurais fait pareil. Ah bah grave. Ah bah oui, il aurait foncé dessus les pieds joints, je peux te dire que c'était clair et net, hein, ça c'est sûr. Il écoute là, je pense. Ah bah t'es un enculé. C'est lui que t'as envoyé à l'eau? Ouais, c'est lui que j'ai envoyé à l'eau et c'est lui que j'ai fait une dédicace aussi. Ah bah en plus, t'as vu, tu l'as fait... Oh le bâtard. Tu lui fais une dédicace et en plus il te fout de sa gueule, tu le pousses à l'eau et c'est toi qui prends 3 heures. Mais t'es le seul à bander? Comment? À la piscine, t'es le seul à bander? Bah je sais pas, je regarde pas les autres. Après ce que tu peux dire aussi, c'est bon là c'est trop tard, mais si jamais ça t'arrive à nouveau, tu peux dire ouais, mais moi au moins ça marche. Ouais. Tu vois, hop là tu le casses directement, l'autre il va rester là comme un con là sans bander. Et tu peux dire aussi auprès des filles, vous avez vu, au moins chez moi ça fonctionne. J'ai pas besoin de mastiquer pendant 3 heures. Sinon il y a le truc aussi, tu fais le mec offusqué. Tu fais quoi, tu me mates la bite mais tu serais pas un peu gay? Non, ou alors tu dis comment ça, je bande pas, c'est ma taille au repos. Bam. Ah pas mal ça, j'aime bien ouais. Tu lui mets dans la gueule et là c'est fini, il peut rien faire derrière. Et là tu vas attirer de la meuf. Et là tu vas attirer de la meuf, hein. Tu vas avoir le truc qui fait 10 cm en repos. En parlant de ça, vous l'avez pas vu la vidéo du mec qui a mis une espèce de leggings de sport de meuf? Son coffre de rire. En fait il a la tête dans le coffre, tous les mecs lui mettent le cul, après il les embrouille en disant mais tu me regardes le cul. Ouais c'est ça, en fait c'est un mec effectivement. Bah mais merci en tout cas Mel, bah au moins maintenant tu sais, hein, la prochaine fois j'ai pas pensé hier, mais le coup de dire ça marche, ou alors l'autre, hein, comme je disais, c'est non en fait là je suis au repos, là je bande pas du tout, hein. Tu serais curieux de voir quand je bande vraiment. Hop là, ça les nique direct. Bon bah salut Mel. Ok, salut. Salut à toi et puis à bientôt, hein, tu reviens quand tu veux Mel, Alexis okay, aussi. Salut à vous, à bientôt, ciao, bye bye. Bon, et puis comme on parlait de piscine, tiens, j'ai une information de la plus haute importance. Ah. Très très grande importance, il ne faut pas pisser dans la piscine. Ah ouais, pourquoi? Ah bah j'en sais rien, t'as déjà pissé dans la piscine toi Mel ou pas? Mel? Mel? Il est déjà parti. Mel? Oui. Ah oui. T'as déjà pissé dans la piscine ou pas? Comment? T'as déjà pissé dans une piscine ou pas? Bah bien sûr. Ah bah bravo, bah il faut pas le faire. Il y a des chercheurs chinois qui ont découvert que l'urine mélangée à la sueur et au chlore crée une substance qui s'appelle le chlorure de cyanogène qui défonce les poumons, le cœur et le système nerveux si on en respire trop. Donc hormis le fait que c'est dégueulasse, il faut éviter de vraiment de pisser dans la piscine. Hein. Ah ouais, putain, mais c'est de la chimie ça. Oh, de la dégueulasserie quoi. Putain, plus jamais je vais à la piscine. Ah bah il faut surtout plus jamais pisser dedans en fait. Hein. T'as compris Mel? Ouais. Prochaine fois que je te vois pisser dans une piscine. Je t'en mets une, c'est clair? Bah, je l'ai fait tout à l'heure. Ah bah bravo! Oh, oh là là, Mel, putain, un gros crado. Qu'on te rattrape, là, c'est mort, là. Oh là là là là là là, Mel, merde! Bon, allez, bonne soirée, Mel. Allez, bonne soirée. Allez, retour avec Marquet dans un instant avec la bite de travers. Xavier également, on va se faire la colle avec notre ami François dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis sur Mickaël No Limites, on est toujours en direct et on est là, évidemment, jusqu'à 2h du mat' ce soir, comme d'hab. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, je l'ai. Tous les soirs, 23h, 2h. Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre, hein? Il est ouf. Bon, je disais, comme je l'avais promis hier soir, Martin Garrix, maintenant le nouveau avec Helicopter. Et puis un message d'Olivier aussi qui est arrivé pitoyable mais pas digne de pitié. On est bien d'accord. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No Limites. No Limites. Mickaël. Mickaël. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs. Allez vous balancer vos messages. On est là sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Il y a Abdou qui dit j'arrive en mode innocence, en mode doux et j'entends top de travers. C'est ça Mickaël No Limites. Bah ouais. Oui Abdou, hein, c'était exactement ça, puisqu'on en parle avec Marquette là qui a la bite de travers. Il y a Cameron aussi qui dit moi aussi j'ai la bite de travers et je me demande à chaque fois si c'est dans le caleçon à force de la mettre de côté. Est-ce qu'elle ne prend pas le pli des trop de travers? Non, non, t'inquiète, ça prend pas les plis. Abdel également, moi je changerai pour My name is Abdel, my phone number is 06, etc., etc. Comme prénom, c'est pas, comme nom, c'est pas mal. Ouais. Sauf si tu changes de numéro. Non, oui, aussi. Et si tu fais serrer par les flics. Ouais. Hein, parce que du coup, les mecs, ils ont le numéro direct. Il y a Clem aussi. Je vous dis ça parce qu'il y a un néo-zélandais, on en a parlé tout à l'heure, qui voulait changer son prénom, enfin son nom de famille, par un nom improbable de 99 caractères. Et donc, je voulais savoir si vous changez de prénom, vous prendriez quoi. Clem qui dit bisous à ma tendresse, Mickaël. Oh, merci Clem, je te fais des bisous aussi. Valentin qui dit moi, je changerai par Valentin ou que Ruvik du 65. Oui, c'est une idée. Romain également, je suis Toff, le gros con de la radio qui a la bite de tire-bouchon. Je ne sers à rien et tout le monde se fout de ma gueule, même dans mes appels. Il y a exactement 99 caractères, je crois. J'aime bien le je crois. En même temps, j'ai failli compter. Hein. Et Andrés qui dit, vous me faites trop rire, merci, grâce à vous, je passe chaque soir une super soirée dans ma chambre au régiment sur Montauban. Eh ben, merci à toi, Andrés. Eh ben, garde à vous, effectivement. Bon, on va faire les appels de Toff maintenant, puisqu'on est tombé sur une information importante. Très importante. Trop importante, effectivement. Ouais. Donc c'est merde, j'ai oublié du coup. Ah, c'est embêtant. Ah oui, c'est sur les fausses idées reçues par rapport au sexe, ouais, dis donc. Et donc en fait, il y a des trucs de fou. Il y a une meuf qui s'est étonnée d'être tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule par le vagin. Ah bah oui. Non mais c'est dingue quand même. Il y en a une autre qui croyait perdre du poids en avalant le sperme de son mec. Alors elle pensait que c'était des calories négatives. Bah dans ce cas-là, je peux tout donner. Hein. Ah bah pareil. Ouais, pour faire plaisir aux filles. Et puis il y a un couple qui essayait d'avoir un enfant depuis plusieurs années qui a appris par le gynéco bah, qu'en fait il s'est trompé de trou depuis 10 ans. Oh putain. Ça fait 10 ans que le mec il encule quoi, c'est quand même violent. Hein. Non mais attends, faut quand même être con, je m'excuse mais bon. Ça. Et non, puis, mais t'imagines, il y a des mecs qui bataillent pour la sodomie et lui il l'a eu toute sa vie, ça n'est pas rendu compte. Exactement. Et puis il y a une dernière aussi, faire l'amour pendant les règles peut rendre bossu le mec qui se risque dans la zone rouge. Ce qui est quand même improbable. Donc ce que je propose Toff, c'est que t'appelles hein, pour voir si les mecs font l'amour à leur femme pendant qu'ils ont leurs règles. Bah oui, allons-y. Ça me paraît pas mal. Bon mais alors oui. On y va, on appelle le premier maintenant, là c'est parti. On y va, on appelle. Il est 23h34, on est en direct sur Fun. Et puis si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Toff, n'hésitez pas, hein, des gens qu'on peut appeler ce soir, toph@funradio.fr. Allez. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous arrivez de faire l'amour avec votre mari quand vous avez vos règles. Et vous dites-moi, vous êtes un con ou c'est une impression? Mais pas du tout madame, c'est juste. Bah ciao. Mais non, attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, mais il a pas répondu à la question, mais non. C'est pas grave. Attends, on va la rappeler, hein, la petite dame là, t'es gentille en plus. Allez hop, puis on aura le chéri, je peux te faire cocu ce soir aussi. Oui, non, je m'excuse. Oui, le connard est encore là. Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Oui, parce que vous êtes un con, mais un con doublé de malotru. Vous savez ce que vous faites? Vous raccrochez définitivement. Parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, on remonte le numéro très facilement maintenant. Bah, au revoir, monsieur le con. Mais, allô? Non, mais madame. Monsieur le con. Monsieur le con. Oui, c'est bien, monsieur Christophe le con. Christophe le con. Bon, on la rappelle? Ah bah oui. Ah bah oui, bah alors on y va. Je sais pas, j'arrive pas à voir avec son accent d'où elle vient. Je sais pas. Oui. Allô? Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Dis-moi en face de cul. D'accord. Oui. Au lieu de téléphoner. Oui. Tu peux pas venir me voir. Je pense que je suis un peu loin, monsieur. Ah, où vous êtes? Moi je suis à Paris, monsieur. Ah bon? Oui. Vous êtes à Paris? Oui, je suis à Paris, oui. C'est vous qui avez téléphoné il y a 2 minutes. Oui, j'étais en communication avec votre femme, parce que je voulais savoir si vous faites l'amour avec Dis-moi, elle. Oui. Écoute-moi bien. Oui. T'as intérêt à oublier mon numéro de téléphone? Oui. Parce que tu sais, à Paris. Non. Hein, je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'en donner une. Je crois que toi, ta mère va plus te reconnaître. D'accord, mais vous voulez pas... Alors fous-moi la paix, et je veux plus t'entendre, hein. Mais vous voulez... compris? Vous voulez pas juste répondre à ma question, monsieur? Oh là, il va se faire démonter la tête off un C4 avec la Corse là. Mais, non. Mais arrêtez d'envoyer des numéros de Corse là. Ouais. Non, je les aime bien moi les Corses. Fais pas le malin, Tom. Un jour il y en a, il va être dessoudé. Bon, on va arrêter là, non? Non. Enfin, c'est mieux pour toi. Hein. Non, allez, encore un petit pour la route. Vous remarquez que c'est lui qui insiste. Hein. Oui. Bon, on rappelle. Oui, j'aime ça. Ah ouais, bah enfin bon. Allez, retour en Corse. Oui, je m'excuse monsieur, mais faut pas vous énerver comme ça. Écoutez, monsieur. Oui. J'ai votre numéro de téléphone. Oui. Alors maintenant, vous me foutez la paix. Je ne veux plus vous entendre. Demain, je porte plainte. Mais d'accord, monsieur, mais vous voulez pas répondre à la question avant? Écoutez-moi bien. Mais je fais que ça, monsieur. Demain. Oui. Je dépose une plainte contre vous. Oui. Pour harcèlement téléphonique. Mais en même temps, je vous ai appelé 3 fois, monsieur. Pardon? Non, je vous ai appelé que 3 fois, monsieur. J'entends mal. Non, je dis, je ne vous ai appelé que 3 fois. Eh bien, c'est 3 fois de trop, monsieur. Bah oui, mais si vous avez... Maintenant, je ne peux plus vous entendre. Demain, je dépose une plainte au commissariat. Mais oui, mais si vous avez répondu... Vous avez compris? Bah oui, j'ai compris. Vous savez ce que ça veut dire? Non, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Dis-moi. Oui. Faut te le dire en quelle langue? Bah, je sais pas, essayez une autre. Ah, pour... basta. D'accord, mais vous voulez pas répondre à ma question? Si tu rappelles... Oui. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et vous allez faire quoi, monsieur? Ah bah merde, putain, pourquoi il a répondu? Il a raccroché à ce moment-là? Bah je sais pas. Bon bah on va le rappeler du coup. On est obligé. Bon bah oui, là du coup on a pas de quoi. Face de cul. Là. Face de cul. Allez hop, on le rappelle. Allez. Merde, il décroche plus. Allez la Corse. Bonjour. Merde. Oh. Oh bah on saura pas plus, hein, c'est dommage. Ah, je suis déçu. Ah non, on en saura pas plus. Il y a Romain qui dit comment elle le clash trop, la vieille. La petite fée qui dit prend la pilule par le vagin, mort de rire. Ouais, mais moi je la prends par le nez. Oui, ça marchera moins bien aussi. Hein. Mante également, si je dois changer de prénom, ce serait John au lieu de David. Et Matisse également, c'est possible d'avoir un petit message de bienvenue, je vous écoute depuis le début. Plus 5 coups de pelle pour Toff, ou même 3. Eh ben écoute Matisse, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, bien sûr, message de bienvenue, ça c'est totalement gérable sans problème. Ta gueule, connard. Voilà, et alors le coup de pelle, on va en mettre un parce que c'est le début de la soirée seulement. Ah c'est gentil. Enfin pour nous, parce que sinon c'est presque la nuit déjà. Retour avec Marquette et sa bite d'eau tordue, il y a Xavier également d'Auxerre qui est avec nous là, 33 ans, salut Xavier. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien, sois le bienvenu. Alors, toi tu voulais réagir par rapport à Marquette là, lui il a la bite qui va vers la gauche. Bah, ah non, il va vers le bas, lui c'est vers le bas que ça va. Alors c'est quoi toi? Bah moi à gauche. Ah toi ça va à gauche. Ah c'est marrant ça, mais depuis toujours? Bah depuis que je suis en âge de bande. Oui, non bah bien sûr, mais je veux dire, t'aurais pu avoir ça, bon, je sais pas, moi, il y a 20 ans ou je sais pas. T'aurais pu la plier dans une meuf quoi. Ouais, parce que moi la mienne aujourd'hui elle est droite, mais pour savoir si à un moment elle pourrait éventuellement tourner. Bah si ça pète, ah. Ouais. Bah par exemple. Ouais, Sandro disait que c'était compliqué pour la relation sexuelle, je confirme. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, mais elle va vers la gauche, mais genre beaucoup. Bah, ou alors. Un peu comme une banane, quoi. Oui, mais c'est pas grave, tu peux rentrer quand même. Ça, le vagin, il est élastique. Ah, non, mais attends, mais comme une banane, ça va sucer. C'est beaucoup quand même. Bah non, mais moi, c'est pareil. Elle est tordue comme ça, mais ça bon, fait... enfin. Mais non, bah oui. Bah qu'est-ce que tu veux, elle est tordue. Moi, on dirait une piste d'aéroport. Tout droit. Non, mais c'est vrai. Moi, on dirait la tête à Toff, elle est toute tordue comme ça. Ah ouais, en zigzag hein, ouais, comme lui. En sac à merde. En sac à merde. Non, mais non, il est vraiment toute droite. Ça, c'est quand il y a la capote dessus. Et qu'est-ce qu'elles disent, tes meufs, alors, du coup, Xavier, là, quand elles découvrent l'engin? Moi, j'en ai plus, alors. Oui, mais enfin bon, quand t'en as eu. Bah. D'accord, non, mais je suis aussi. Ouais, franchement, ouais. Je vais la tenir à la main, de toute façon. T'es obligé de quoi? Je suis obligé de me la tenir à la main pour pas que ça se voie trop, quoi. Mais ah, toi, tu la caches, mais il faut pas, après, c'est pas grave. Grave, moi, j'ai jamais eu de remarques désobligeantes. Si tu sais l'utiliser, la bite, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Après, ce qui est bien, c'est que pendant qu'elle te suce, tu vois, il y a des meufs parfois qui sucent de travers pour que tu sais, ça gonfle dans la joue. Ouais. L'avantage là, c'est qu'elles peuvent rester droites. Ça ira directement dans la joue également. Ça, c'est le côté pratique. Ouais, il faut travailler pour trouver parfois le côté aussi pratique. Ouais. Alors, faut pas toujours se plaindre. Attends, il y a Bruno également là, du Mans là. Salut Bruno. Salut Mika. Comment ça va? Nickel la forme. Bon, nickel. Bruno, toi t'appelles du Mans et toi aussi t'as la bite de travers comme Marquette? Ouais, mais je veux juste te signaler, c'est que quand Sandro te rappelle et puis qu'elle te dit toi aussi, Bruno, tu voulais réagir pour les bites tendues dans la bouche à Sandro, ça fait bizarre en temps. Ah oui, bah oui, oui. J'imagine bien. Bon, et donc ouais, du coup, toi, elle est tordue ça, comment? L'équivalent d'une banane, mais comme si une banane... Une banane plantain, une petite banane, là. Ouais, ou une banane pourrie, ouais. Toute molle. Non, bien ferme, quand même. Mais... Ouais, quand les marrons. Ouais. Sans vouloir me vanter, je fais 19 cm. Donc oh là là Monsieur se met bien, là. Bah, un petit peu, mais voilà, tordu ou pas, en fait, ça change rien. Mais juste pour venir à ça, c'est que pour moi, quand nos mamans... Bon, j'ai 40 ans, mais quand nos mamans nous mettaient des slips à l'époque, elle nous disait toujours de bien la ranger et souvent de la mettre du même côté. Et j'ai, pour moi, cette ferme impression que c'est dû à ça. Ah ouais, je crois pas, moi. Mais après, je moi non plus, ça, mais... moi, on m'a toujours dit qu'en fait, la bite, elle porte soit à gauche, soit à droite, en fait. Et que ceux qui l'ont droit, c'est les plus rares, quoi. Ah ouais, je suis rare. C'est comme le groupe sanguin. Exactement, ouais. T'es donneur moi, de j'ai un groupe sanguin. Moi, j'ai un groupe sanguin de merde. Je peux donner à tout le monde, mais je peux rien recevoir. Voilà. Alors que c'est quand même, ma nature est plutôt inverse, tu vois. Ouais. Je veux prendre tout et je ne fais rien à personne. Mais non, le groupe sanguin m'a mis autrement. Moi, je voulais être comme Picsou, tu vois. Mais non. Je prends tout et je ne dors rien. Non, mais ça n'a pas marché. Mais bon, c'est comme ça. Ah merde, on a perdu Bruno. Bah, c'est pas grave. Merci en tout cas, Bruno. Merci Xavier d'avoir appelé également. Ouais, ça s'appelle la maladie de la péronie, hein, pour info. La maladie de la péronie. D'accord. Ah, bah, on ira voir, tiens, pour voir s'il y a des photos aussi avec des bites vraiment complètement tordues là. Mais merci beaucoup Xavier. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Salut Xavier, à bientôt. Merci Marquette d'être passé également. Bah, bon courage avec ta bite de travers. Hein. Ouais, excusez-moi. Ouais. C'est possible de moi de passer dans le truc là, le soir là, où on se défoule avec l'autre. On se défoule avec l'autre. Ah, polo contre le reste du monde. Ouais, avec plaisir, bien sûr. Comme là, j'ai pas pu trop beaucoup passer, j'ai envie de me défouler à la fin. Il y a pas de problème. À 1h55, il y a polo contre le reste du monde, une émission d'écoute, une émission psychologique. Il croit qu'on va se battre. Exactement. Il va manger cher, polo. Parfait. Marquette, je compte sur toi. À tout à l'heure alors. Vas-y à tous. À tout à l'heure, Marquette. Ça va être bon. Je sens que ça va être bon là, le polo contre le reste du monde de tout à l'heure. Bon, restez sur Fun Radio. Il y a Major Lazer et Shana Paul qui va arriver dans quelques minutes. Ce sera Come To Me. Et puis également Chéri, je peux te faire cocu là. Si vous voulez participer au Chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là, tous les soirs, 23h48. Il n'y a plus de pub toute la nuit, jusqu'à l'arrivée de Bruno dans la radio tout à l'heure. Et puis on a François également avec nous, là, François, pour nous faire péter la colle à nouveau pour repartir avec l'iPad Mini. T'es là, François? Ouais. Bon, allez, vas-y, rappelle la colle à tous les auditeurs qui n'étaient pas là tout à l'heure. Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je? Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec un iPad mini pour le choper sous le nez de François, eh ben vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS. Vous pouvez aussi, bien entendu, répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On proposait le ciel, c'est ça ou pas? Non. Un cocard. Non. Non, c'est pas ça non plus. Bon, si vous avez la bonne réponse, bah allez-y, on donne la réponse dans 40 minutes à peu près. À vous de jouer, facebook.com/mikaelofficiel. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Bon bah François, tu restes avec nous. Ok. Allez, à tout de suite François. Bonne chance pour gagner l'iPad mini là. On va se faire aussi le chéri, je peux te faire concu dans quelques minutes. On va écouter le son de Daft Punk. On aura Maxime dans quelques minutes. Et Jamel aussi qui va débarquer sur Fun Radio. Quoi qu'il en soit, pour nous appeler, vous y allez 01 42 48 5000 où que vous soyez en France. Vous nous appelez, on est là jusqu'à 2h du mat pour faire la teuf avec vous. Et puis dans quelques minutes aussi, je vous cale comme promis le son de Major Lazer. Pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Voilà Major Lazer avec Shana Paul, Come to Me, je vous le cale avant minuit sur Fun Radio. Et il y a Jean-Philippe aussi qui a envoyé un message. Salut, aujourd'hui j'ai 20 ans, est-ce que je peux avoir une musique d'anniversaire? Évidemment, alors évidemment, il n'y a pas de problème pour la musique d'anniversaire, vous savez bien. Voilà. Allez, bon anniversaire à toi, Jean-Philippe. Ah, 20 ans aujourd'hui en plus, hein. C'est bon, hein, la vingtaine d'années, quel c'est bel âge. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Enfin, c'était il y a 2 ans et demi, donc c'était pas non plus la folie, quoi. Voilà, bon anniversaire à toi. Et il y a un message aussi qui est arrivé de Morgane. Salut l'équipe, un bisou de l'autoroute du soleil. Ah bah bisous à toi Morgane. Kevin aussi, je suis bi. Et ouais perso, je suis déjà tombé sur quelqu'un qui a le sexe de travers. Hier d'ailleurs, hein, c'est spécial quand même. Bah, je sais pas moi, heureusement jamais, je ne suis jamais tombé sur un mec qui avait une bite de travers. En même temps, je n'ai jamais cherché après avoir après un mec non plus. Sachant que la mienne est droite, je n'ai jamais eu ce problème. Il y a le Doc Coco qui dit Mickaël est rare. Et oui, c'est rare de trouver une aussi bonne émission tard le soir. Oh merci le Doc Coco. Et d'avoir une aussi belle bite. Mais oui, bien sûr. Il dit c'est chaud ce soir encore, c'est bon ça. Et Toff, on te redemande aux Jeux Paralympiques. Hein. Ah oui, bah je vais t'es y retourner. Vraiment, apparemment, t'es attendu là-bas quand même. Hein. Ah bah oui. Je vais y retourner, mais j'ai vu, il y a des mecs, putain, ils sont pris des gamelles là. Mais grave. Bah oui, mais c'est chaud aussi, hein, comme les autres. Hein. Bon, on se fait le chéri, je peux te faire cocu. Dans un instant, on aura Maxime aussi avec nous de des Vosges. Salut Maxime. Salut Mickaël. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah super bien, on va parler de quoi dans un instant avec toi Maxime? Bah je vais faire un coup dur à mon ancien pote. Un coup dur? Ouais. C'est quoi un coup dur? En fait bah il se vante de ses notes et tout, alors que c'est ses parents qui lui font tout et tout, et voilà, et donc il me touche les couilles en cours et tout, et sympa. Arrêté, mais tu veux quoi? Tu veux l'appeler ou tu veux simplement taper un coup de gueule? Bah non mais te touche je peux pas l'appeler parce que sinon je vais avoir plein. Je vais avoir bon, attends Maxime. Tu peux rester encore avec nous 5 bonnes minutes là? Oui. Parce que y a le chéri je peux te faire cocu qui arrive avec Céline. Tu connais le chéri je peux te faire cocu? Ouais, c'est trop bien. Bon. Ah bah très bien, bah j'espère que ça va être bien avec Céline là, ce soir. Hein. Sache que quoi qu'il arrive, tu fais partie de l'armée des doux. Exactement. Oui tout à fait. L'armée des doux a validé tout ça, y a pas de problème. C'est Polo qui monte une armée avec les 10 13 ans, mais voilà. Importe l'âge, mais il faut pas avoir muet. Voilà, et il faut que vous soyez doux. Voilà, c'est ça, comme Maxime. Bon, ben reste avec nous, Maxime. On aura Jamel dans quelques minutes. La colle avec François, et puis on accueille Céline maintenant qui est avec nous pour faire le chéri. Je peux te faire cocu. Comment ça va, Céline? Ça va et toi? Eh bon, écoute, ma foi, plutôt pas mal, Céline. Tranquillement. Bon, Céline, t'appelles de l'Aisne, toi, c'est ça? De la Flamande. De quoi? La Flamangrie. La Flamangrie. D'accord, ok. C'est sympa ça comme nom, dis donc. Ouais. Ouais, c'est cool. Bon, eh ben écoute, parfait. On va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Comment s'appelle monsieur? Maxence, t'as vécu depuis combien de temps? De 3 ans et demi. 3 ans et demi, tu as 18 mignon. Ans? Oui. Mais il y a un moment, faut changer, hein. Ben ouais, c'est bien. Ah bah, il va falloir changer un petit c'est peu. Bien. Hein. Oui, c'est bien, je te confirme que c'est bien. Bon, on va l'appeler. Bah, ça se trouve, tu vas peut-être changer hein, d'ailleurs, hein, si jamais ça part en couille avec. Ah bah, moi, je suis totalement disponible. Hein. Ah ouais, j'imagine. Donc, alors, on aura pu se rencontrer où, dis-moi, Céline? Dans une soirée, chez ma copine Mélanie. D'accord, ok. Donc, chez Mélanie. Donc, je suis un pote de Mélanie, quoi, Michel. Oui, voilà. Très bien. Il est où, lui, par rapport à toi maintenant, là? Il est avec ses copains. Eh ben écoute, alors on va dire qu'on est chez toi et moi je découvre les trucs, on verra bien quoi. D'accord? D'accord. On y va, on l'appelle, puis il s'énerve, plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux, ces casques DJ qu'on t'offre ce soir notamment. Et puis bah bonne chance, hein. D'accord? D'accord, merci. Allez, bonne chance Céline, on y va, on l'appelle tout de suite Maxence là. Et donc si je te parle mal, t'inquiète pas, c'est normal, hein. Oui, d'accord, pas de soucis. Parfait. Allô? Oui? Ouais. C'est moi? Ouais, B. Dis, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que je peux te faire cocu au soir? C'est... Bah, c'est une question, c'est tout. Ouais. J'ai fait une soirée il n'y a pas longtemps chez Mélanie et que j'ai rencontré un garçon. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Il me demande qu'est-ce qui m'arrive, donc... Demande-lui simplement et qu'il réponde oui ou non. Bah oui, chérie, est-ce que je peux te faire cocu? Du cul à se faire enculer, ce fils de pute derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, on va se calmer. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'emmerde. Il fallait t'aller te faire enculer. Bah, dis donc, un peu de respect, non mais alors. Ouais, passe-le-moi, sinon moi je vais lui apprendre le respect au petit là. J'ai pas de respect à ceux qui n'ont pas de respect pour moi. Attends, bah passe-le-moi. Allô? Ouais. Ouais. C'est Maxou? Ouais. Bon, comment ça va? Ouais, toi? Bah, je comprends pourquoi tu t'énerves. Et t'es qui? Bah, je m'appelle Michel. Ah, ok. Et? Eh ben rien, j'ai rencontré Céline là et puis et puis voilà quoi, on a sympathisé. Moi je suis de passage là, donc du coup je lui avais demandé si on pouvait éventuellement s'envoyer en l'air et puis elle m'a dit bah écoute j'ai un mec, ça se fait pas. Alors viens, je lui dis bah écoute viens t'as qu'à demander Viens me voir, on va voir c'est qui va t'envoyer en l'air. Non mais pourquoi tu veux que je vienne te voir? Moi j'en ai rien à foutre, moi c'est pas toi que j'ai envie de baiser. Viens voir. Non mais t'es en train de t'énerver pour rien, donc du coup elle a été honnête. Vas-y, t'es un gamin, vas-y. Ça n'a rien à voir, dis donc. Bah t'as quel âge? Vas-y, raccroche. T'as quel âge? Vas-y. Oui, mais je vais raccrocher parce que justement j'ai une meuf à m'occuper, tu vois, je dois m'occuper d'une meuf, donc bon. Mais du coup elle t'appelle et puis voilà, c'est plutôt honnête de sa part. Ah d'accord. Eh, je vais pas te la piquer ta meuf, c'est juste un one shot. Après je suis parti, je m'en fous. Ouais, one shot, ouais. Bah ouais, one shot, c'est juste comme ça, un coup au passage. Viens me voir et on verra c'est qui one shot. Bah attends, mais je comprends pas, t'es en train de te la ramener là où je rêve. Vas-y, va coucher. Hey, t'es en train de faire ton Rambo là, non? Vas-y, tu me casses tes couilles. Attends, je te la repasse. Oh merde. Oh là là, ça y est, ça va être dur de la voir celui-là. Ah, il est chaud, mais je pense qu'il va plus décrocher juste parce qu'il est énervé. Attends, on essaye quand même. Je pense pas non plus, non. Attends. Ouais. Ouais, dis donc, tu m'as raccroché au lit ou je rêve là? Non, mais je veux pas te parler à toi, je veux parler à ma meuf. Je veux parler à ma meuf. Oh là là, quel cinéma. Et après, on dit que c'est moi le gamin, c'est dingue ça. Ouais, quel cinéma. Bon, je te la repasse. Hey, Céline! Hey, reviens là, il veut te parler là. Mais bon, c'est bon, il est d'accord. Hein. Juste pour une nuit, il a dit qu'il était d'accord. Yeah. Donc tiens, je te le repasse. Allô? Ouais, c'est quoi le délire? C'est qui lui? Donc il est d'accord, il a dit. Hein. Il a dit qu'il était d'accord. Non, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Il a dit qu'il était d'accord. T'es d'accord ou pas? Mais oui, il a dit qu'il était d'accord. Laisse-moi la carte d'un tour au soir. Si jamais il change d'avis, c'est que c'est un menteur. Bon alors, c'est risque que ce soit cocu au soir. Si t'arrives, t'as pris quelque chose ou je sais pas moi? Non, du tout. Bah alors, pourquoi tu me demandes ça? Je pense que voilà, c'est tout, c'est droit de te poser la question. Au contraire, je suis honnête, c'est demain, question, je vais répondre ça dans ton dos. Vas-y, j'ai même pas envie de répondre parce que tu vas me casser les couilles. Ouais, de toute façon, je suis plus poli que lui, donc à la limite, tu pourras venir, moi ça t'apprendra, ça te montrera ce que c'est un vrai homme. Un vrai homme, ça se cache pas derrière un téléphone. Déjà, tu me dis plus à quitter, t'es pas en train de. Arrête, mais moi je te dis, je m'appelle Michel, moi je te mets une patate, tu tombes, je souffle dessus, tu tombes. Ah, ok. Regarde. Ok, ouais. Hop, ça y est, je parie que t'as déjà bougé un petit peu là. Ouais, vachement. Hein, t'as vu, c'est ça qui a pas de bite. J'ai pas envie de te parler, t'as pas compris ou quoi? Mais moi j'en ai rien à foutre, moi non plus, moi je préfère encore me taper ta meuf, toi qui. Parce qu'on est poli, parce qu'on te demande ton avis. Et il arrive encore à râler, quel casse-couille alors, c'est dingue ça. Eh, franchement, je sais pas ce que tu fais avec lui, il est relou, hein. T'inquiète, garçon, je sais ce que je veux dans la vie. Oh là là là, je te jure. Bon, tiens, je te la repasse. Vas-y. Allô? Ouais. Bon, t'es pas d'accord alors? Non, pas du tout même. Et pourquoi tu me passes lui? Je veux pas parler à lui, je connais même pas. Bah, fais les présentations, normal, hein. Présentation. La politesse. Eh, je vais me servir dans le frigo, hein. Vas-y. Cool, merci. Vas-y. Bon, alors, tu veux pas alors? Casse les couilles, tu me rappelleras quand tu seras. Je sais pas, on dirait que t'as tapé, t'as fumé, t'as fait quoi? Oh, je suis désolé, j'ai cassé le verre! C'est pas grave, non, j'ai pas fumé! Écoute, viens nettoyer, hein, je suis pas. Je raccroche, tu me casses les couilles. Je vais pas nettoyer moi-même, hein! Qu'est-ce qu'il est fatigant, je déteste les mecs qui passent leur vie à raccrocher. Mais oui. T'es genre, tu trouves pas la solution, vas-y, m'en fous, tu me casses les couilles, je raccroche. Alors qu'ils vont décrocher juste après, tu vois. Oh! Ouais, c'est toi qui va décrocher, là. Écoute, on va voir, hein. Ouais. Allô? Tu raccroches encore une fois, je te fais une tête au carré, t'as compris? Ah ok. Alors reste calme. Ouais d'accord. C'est clair? Ouais vas-y. Il se la ramène, hein, t'as vu? On dirait qu'il est sur un escabeau là, comme ça, il se la ramène un peu là. Ouais. Hein? T'inquiète, je suis sur terre. Ouais, on dirait, ouais, c'est que tu fais le grand là, comme ça là. Ouais, parce que les gens comme toi, ça m'excite, tu vois. Ah ouais, c'est vrai? Ah, je savais pas que t'étais gay, bah, donc ça te dérange pas si jamais je me tape ta meuf? Ah, ça m'excite dans le sens, tu me casses les couilles. Ouais, t'as la gaule, quoi. T'as envie de mettre une cartouche, c'est ça? Vas-y, arrête de parler comme ça, vas-y. Parle bien, les deux. Bah, moi, je parle très bien, c'est toi qui t'énerve. Ouais. Hein, tu roules des mécaniques? Vas-y, je vais te répondre, vas-y. Hein, tu roules des mécaniques? Ouais. Y a un bouton pour mettre plus de patates ou pas dans la voix, non? Non, j'ai pas envie de te parler, c'est pour ça que. Ah, ouais, d'accord. Parce que d'habitude, t'as plus de pêche. Ah, ouais, t'inquiète. Bon, Céline, je te le repasse. Oui. Bon, alors, est-ce que t'as cocu ou pas? Non. Et pourquoi? Tu commences à me casser les couilles, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as? T'as pris quoi, bah, je sais pas, t'as bu, je sais pas, t'as fait quoi? Non, j'ai pas bu du tout, non, mais il faut te demander, non? Vas-y, j'ai pas envie de te répondre, vas-y, je te raccroche à la gueule encore, parce que tu me saoules. Ok. Je raccroche. Oh, je vais raccrocher, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je raccroche. Ouais, je raccroche. J'ai pas envie de parler des gens comme toi, je t'ai dit, toi. Ah, j'ai mouillé. Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser, toi, hein? C'est bon, parce qu'on est au cinéma ou... Ah il est trop mou. Ah il est trop mou. On a fait ce qu'on a pu, hein, Céline. Ah, il est trop... Bon, ouais. C'est nickel, t'es sur Fun Radio, on t'appelait pour le chéri, je peux te faire cocu, mais bon malheureusement là l'excès de mollesse, ouais. Assez violent quand même, hein. Mais bon, ça arrive, cela dit, hein. Surpris peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais, très surpris même, surtout devant ma femme, franchement. Oh mais justement, c'est ça le concept, ça venait de ta soeur, ce serait pas drôle. Ouais, non, mais tu vois, elle va pas dire je peux te faire cocu, c'est logique. Et puis comme on dit, mou un jour, mou toujours. Oh bah faut voir, ça dépend après, hein. Ça dépend. Céline, il a plus de patates d'habitude quand même. Bah oui, mais c'est pour ça, c'est ça que son pote, tant pis, hein. En général. Bon, c'est pas grave, hein. Écoute, il y a des jours avec et des jours sans, c'est pas grave. Hein. J'espère pour toi qu'il te démonte pas comme il t'engueule. Hein. Oh, c'est drôle ça. Bon, ça va alors. Bon, et ben écoute, on va vous souhaiter une bonne soirée quand même. Hein. Merci. Salut. Merci. À vous. Ciao à vous. Allez, bye. Au revoir. Oh là là, l'échec total là, ce soir, merde. Bon, ça arrive, ça marche pas tous les jours, c'est comme ça aussi. Hein. Y a Maria aussi, trop con là, son boyfriend. Oui, j'avoue. Ouais. Sophie aussi, coucou Mickaël, je t'écoute tous les soirs, là, je kiffe ta voix, j'adore votre émission. Bref, je vous kiffe, sauf toi, bisous. Merci Sophie, gros bisous à toi et la petite portugaise sur le Twitter. T'es en train de faire ton Rambo, toi, tu m'as tué. Ouais, bah oui, le mec il se l'a ramené. Et Chris aussi, mort de rire, le mec est trop énervé, abusé. Oh, on a connu vachement plus énervé. Hein. Ah oui. Jojo également, c'est One Shot, pas ton One Shop. Et la Bella aussi, Mickaël, nos limites, trop bien. Tu peux remettre Jean, je sais plus quoi. Oui, c'est branlé à l'antenne. Ah, Jean-François. Jean-François. Bon, on va essayer de l'appeler, comme ça au moins on aura un nouveau, ce qu'on l'a déjà diffusé hier, là, le moment où il s'est branlé. Là. Excès de mollesse pour la petite fée et la Bosniakov qui est tout faible, le chéri, je peux te faire cocu. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous en remette un ou ça bastonnait sa race? Ah oui. Ah, si vous vous souvenez d'un cocu en particulier, n'hésitez pas à nous le dire et puis on se l'en remettra sans problème. Juste après, vous nous dites, hein, hashtag et Mickaël, tout simplement sur le Facebook de l'émission maintenant. Et puis je vous le remets avec plaisir d'ici quelques minutes. Bon. Du coup, en attendant, on va se mettre le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre? Ah bah, je l'ai promis tout à l'heure, tiens. Daft Punk, maintenant, avec Instant Crush sur Fun Radio. Je vous cale aussi Nervo tout à l'heure. Il va y avoir aussi le son de Britney Spears avec Till It's Gone. Il est minuit 2, on est au cœur de la nuit sans pub. On est en direct jusqu'à 2h. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. C'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Le son à l'instant des Daft Punk, c'était Instant Crush. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit, Mickaël, sur Fun Radio. Et on est en direct, il est minuit 6. Bon, alors dites-nous si vous voulez qu'on réécoute un moment là avec un chéri, je peux te faire cocu qui bastonnait. Bon, bah celui-là avec Céline, ça a raté, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas toujours au taquet. Vous nous dites, hein, celui que vous avez le plus kiffé, sinon je choisirais au hasard. Voilà. En même temps, ils étaient tous énormes quasiment, donc on peut le dire, hein, ça c'est vrai que c'est rare. Clair. C'est assez rare que ça rate. Il y a le Bosniakov qui dit merci pour le t-shirt, pour le top tweetos de jeudi, Mickaël. Merci beaucoup, toujours à fond, continuez comme ça. Bah, mais de rien, Bosniakov, merci à toi. Il y a Étienne aussi, mort de rire, le Jean-François, il a kiffé Mickaël. Et Mathis qui dit oui, appelez-le, le Jean-François. On essaie de l'appeler, mais là, ça décroche pas, à mon avis, il doit dormir. À mon avis, ouais, on l'a pas prévenu, fatigué, donc il est fatigué, voir, c'est trop branlé de la journée. Et le prince Nadia qui dit oui, je pense qu'il faut écouter un autre chéri, je peux te faire cocu, là déjà diffusé, qui déboîte. Il y a Christophe également, oui, remets un chéri, je peux te faire cocu, celui que tu veux, il y en a trop, des super classes. Et Lola également, mort de rire, j'adore la Céline, elle m'a tué. Et alors Célia également sur le Twitter qui dit Mickaël, l'armée des doux. Bah, c'est avec Polo surtout, hein, lui, ouais. Hein, c'est lui le général. Je suis le général de l'armée des doux, si tu es doux. N'hésite pas à rejoindre l'armée des doux. Bien sûr, Alexandre qui dit Fun Radio, c'est ma radio, c'est notre radio, faites part que des têtes de cons. Oui, bah surtout le soir, hein. Surtout de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit au niveau des têtes de cons, je dois bien l'admettre. C'est les pires. C'est oui, effectivement, oui, c'est totalement les pires. Nous sommes bien d'accord. Bon, on va se faire les teubés de la télé maintenant avant de continuer avec notre ami Maxime, avec Julie, avec Jamel qui est avec nous également là. Les teubés de la télé, vous savez qu'on aime bien voir un peu ce qui se passe à la télévision. Et aujourd'hui, pardon, c'est Giuseppe. Nous allons prendre une nouvelle expression avec Giuseppe. Comme il me dit, chacun voit midi à 14h à sa porte. Voilà, voir midi à 14h à sa porte. C'était un mix de plusieurs expressions, comme vous avez pu le remarquer. Sinon, il y a Confessions intimes aussi, vous savez que j'aime beaucoup, hein, où il y a une meuf qui préfère ses chats et ses chiens plutôt que les humains, ce qui déprime totalement sa mère. Je vais te faire voir qu'il y a des choses de mieux que tes bêtes dans ta vie. Non, moi je reste sur mes positions. Je suis bien comme ça. Moi, je vis ma vie avec mes animaux, donc les personnes qui sont pas d'accord que je vise comme ça, bah, qu'elles viennent plus me voir. Voilà, en gros, c'est qu'elle vient de plus me voir, tout simplement. Ah ouais. Et puis ça y est. Alors attention, c'est entre guillemets, ce n'est pas vrai, hein. Mais bon, c'est pour la vanne. Je préfère préciser parce qu'il y en a qui sont capables d'aller baiser directement. On a enfin remède contre le SIDA. Ouais. L'armée égyptienne. Les militaires égyptiens se sont présentés comme les sauveurs du pays. Il y a quelques jours, jugeant sans doute que ce n'était pas assez, ils ont fait encore mieux. Nous avons vaincu le sida. Soyez-en certains, nous avons vaincu le sida. On en doute quand même un petit peu, mais plusieurs reportages confirment l'information. Avant, j'avais le sida. Maintenant, grâce à Dieu, je suis guérie. Voilà, donc n'écoutez absolument pas cette connerie. Hein. On ne guérit pas, personne ne le guérit, donc ne vous emballez pas. Pour le moment, mais en fait, c'est... Pour le moment, bien sûr. En fait, c'est une question de... C'est quoi, c'est la propagande. C'est de la nourriture en fait. Il explique, le général explique qu'il faut manger une sorte de truc comme du kebab ou je sais pas quoi. Mais c'est ridicule. N'écoutez pas ça. Ah bah, n'écoutez surtout pas, je le confirme. Bon, il y a Alex qui dit je veux rejoindre l'armée des doux. Un message de bienvenue également. Bah bien sûr Alex, avec plaisir. Attention, l'armée des doux, je le rappelle, c'est l'armée de Polo avec des auditeurs jeunes et surtout qui n'ont pas mué. Oui, c'est important. C'est très important. Enculé que tu es, hein. Voilà pour le message de bienvenue, Alex. Le prince Nadia qui dit 3 heures de teuf non-stop en semaine. Est-ce possible? Oui, du lundi au jeudi de 23 à 2h, c'est avec Mickaël No Limites. Et le dimanche également de 20h à minuit. S'il vous plaît, j'ai fait un sondage dans mon collège et les gens, 432 sur à peu près 600, aimeraient qu'il y ait plus de trucs sexuels, des trucs qui fassent bander dans Mickaël No Limites. Encore? Bah, c'est-à-dire qu'on doit être l'émission la plus cul de la FM. La plus bandante. Ouais, Mickaël a la plus belle bite de la bande FM. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah, la plus belle, je sais pas, mais en tout cas, les droites. La plus droite. Voilà, vous pensez à un aéroport et à une piste de décollage ou d'atterrissage d'avion et vous allez voir, c'est la même. Bon, pas aussi longue. Bah, faut dire les choses. C'est presque. Mais bah, non, mais non. Tu es humble. Si c'est aussi long qu'une piste d'atterrissage, j'ai aussi droite. Non, t'emballes pas. Je peux avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît. Et une petite dédicace à Adeline. C'était Maria qui a demandé ça. Bah, bien sûr, évidemment. Voilà Maria. Et le prince Nadia encore, si je changerais de nom, le prince Nadia ici n'aime pas les raies. Si je changeais de prénom, je m'appellerais toujours Nadia, mais mon nom serait la princesse. Ce sera forcément plus féminin que le prince. Oui, ça c'est sûr. Oui, hein. Oui, pourquoi elle s'appelle le prince Nadia? Bah, parce que c'est son nom. Bah oui, mais elle aurait pu mettre princesse pour la vanne sur Twitter. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, bon bref. Et Chris qui dit, je rappelle mon prénom, j'ai un gros compte en banque et une énorme bite. Pas mal, le bœuf ferré aussi. L'avantage de Toff, c'est que au moins, s'il a la bite tordue, il va à des endroits que les autres ne peuvent pas aller. Là où les autres peuvent pas aller. Oui, effectivement, il faut voir ça. Il faut voir le côté positif de la chose. J'ai fait découvrir de nouveaux plaisirs aux femmes. Complètement, enfin je sais pas, hein, à part... Enfin c'est plutôt des nouvelles angoisses aux femmes à mon avis que j'ai découvert. Oh si. François est avec nous. François, t'es là? Ouais. On se remet encore une petite dernière fois la colle avant de donner la réponse dans moins de 20 minutes. Vas-y François, répète la colle. Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je? Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc. Qui suis-je? Si vous avez la réponse, allez-y. Vous envoyez M-I-K-L, suivi de la réponse, au 64-900 par SMS, au 63-22 depuis la Belgique ou sur le Facebook. J'ai mis la colle, elle est expliquée, elle est écrite. Vous pouvez même la lire et y répondre sur le Facebook de l'émission. Donc, tapez M-I-K-L officiel sur Facebook pour venir nous rejoindre. Comme vous êtes déjà plus de 360 000 à avoir fait une émission qui n'a pas 8 mois, ça fait plaisir. C'est beau. C'est un beau score. Surtout qu'avec que des vrais auditeurs. Il n'y a personne du Bangladesh et tout ça. Il n'y a vraiment que des gens qui écoutent l'émission, qui sont venus, et ça fait vraiment plaisir. Il y a Slim qui dit Michael Jackson noir à Off the Wall. Ah oui, c'est ça. Rouge à la moitié de Bad et blanc à partir de Dangerous. Qu'est-ce que t'es con, Slim, alors? Est-ce que c'est ça, François, ou pas? Non. Ah, si c'est ça, c'était énorme. Oui, mais non. On proposait la lune. Non. Maxence qui dit un dragibus. Non plus. Non plus. Bon bah très bien. Bah allez-y les autres, hein, si vous voulez repartir avec l'iPad mini que je vous offre. Si vous trouvez la bonne réponse et que vous passez l'antenne, eh bien vous repartirez avec l'iPad mini. Si vous ne trouvez pas la réponse ou alors que vous avez trouvé la réponse, on vous appelle mais vous ne décrochez pas ou vous donnez la mauvaise réponse, vous changez d'avis quoi. Eh bien c'est à ce moment-là François qui repartira avec l'iPad mini. Quoi qu'il en soit, on en saura plus dans un quart d'heure. Tu restes avec nous François ? Bien sûr. Très bien, bah bouge pas de là. Allez-y les autres, bonne chance. Il y a Thomas qui dit sur Fun, je fais votre pub dans le bahut, possible d'avoir des autocollants pour les coller un peu partout dans la ville. Bah bien sûr Thomas, il n'y a aucun problème. Il suffit que tu fasses un mail avec dans l'objet tu mets autocollant ou pack fun. T'envoies ça à Sandro, sandro@funradio.fr et t'oublie pas évidemment de mettre ton nom, prénom et tes coordonnées complètes bien entendu pour qu'on envoie ça rapidement. Jamel est avec nous également de Toulouse. Ça va Jamel ? Ouais, ça va. Comment va. Ça va Michael. Bon, ça très bien. Ouais, impeccable. Tiens, on va passer te voir les Toulousains au mois de mai, ah. Jamel. Ah, mais vas-y, hein. Moi je suis prêt. Hein. Bon, bah vas-y, j'espère que tu vas venir. Hein. Ah non, mais je vais venir, je suis là. Ah, bon, tant mieux, parfait. Qu'on aille faire un petit... Je rappelle qu'on a été au Havre ce week-end, on a été faire un laser game et Polo a quand même terminé 30e. Ah oui, sur 30 j'ai que 300 points. Et que pour ceux qui effectivement connaissent le laser game, il y a des points, donc quand on tire on gagne n'importe quoi, 50 points. Et quand on se fait tirer dessus on en perd 100, enfin bref. Et donc du coup Polo s'est fait tellement tirer dessus et a pas assez bien visé, donc du coup il était à moins 300 points. C'est quand même le seul des 30 qui devait des points au laser game. Donc il est reparti endetté du Havre. Ouais, endetté de points au Havre, assez violent quand même. Et hier on était aussi, on était aussi au Caliente au Havre. Hein, hier les photos, toutes les photos prises, vous pouvez les voir bien sûr sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et allez vous taguer, vous avez déjà été nombreux à l'avoir fait, mais allez vous taguer si vous vous reconnaissez sur les photos, que vos potes qui n'étaient pas présents voient ce qu'ils ont raté. Ouais. Attendez, quand même, faut quand même pas déconner. On avait filé un iPad mini, on avait filé plein de cadeaux, des casques DJ, tout ça. Et puis il y avait aussi les hôtesses de Fun. Oh, Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, bah, c'est comme ça. T'as été voir Jamel ou pas toi? Non, pas encore. Ah bah il faut aller voir Jamel. Je vais aller voir toi. Je te le confirme. Enfin, bon, alors Jamel, qu'est-ce qui t'amène toi? On parle de quoi avec toi? Alors moi, qu'est-ce qui m'amène? C'est en fait, ça fait 4 ans que je suis avec ma femme. Ouais. Et en fait, on a eu beaucoup de problèmes. Et en fait, à Toulouse, je suis videur de boîte de nuit. Ah. Et voilà. Et en fait, j'ai eu. Mais t'es dans quelle boîte de nuit à Toulouse ? En fait, le Studio One, mais il a cramé. Ah, il a cramé, ah merde. Ah oui, il a cramé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais voilà. Non, parce que sinon, on serait passé. Mais si ça a cramé, alors. Si ça a cramé, on peut rien faire. Voilà, on peut rien faire. Et en fait, bon, j'ai eu beaucoup de soucis avec elle et elle est toujours là. Elle me soutient toujours et maintenant je veux lui prouver mon amour, lui demander de m'épouser. Non. Exactement. Que c'est ringard. Non, je plaisante. Ah oh, bah oui, je dois voir la musique. Attends. Ouais, attends, j'ai ça. Ouais, c'est mieux avec l'orgue. Ouais, c'est mieux. Et j'ai même les cloches. Bon après il faut qu'elle dise oui aussi hein, parce que là on est en train de s'emballer là, mais ça se trouve elle va dire non. C'est vrai en plus. Bah oui, tu sais, quoi, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Le note c'est mieux qui bat hein, plutôt hein, c'est quand même vachement mieux. Ouais, c'est... Non mais c'est vrai. Mon cœur s'est arrêté, est-ce que c'est normal? Pas du tout. Bon eh ben écoute, on va l'appeler, comment elle s'appelle la petite Marie. Alors oh Marie. Marie, très bien. Tu savais. Ah ouais, ça fait Marie couche toi là quand même hein, pour le coup. Non, elle non. Bon, alors d'accord. Ouais, okay. T'as déjà démonté la gueule d'un mec, ça m'intéresse. Ah oui. Tout le week-end. Tous les week-ends. Bah, attends. Oui, parce que ils ont choisi ça au hasard et puis le démonte derrière. Ah les gars, vous imaginez qu'en moins de on va dire un an, j'ai 18 plaintes. 18 plaintes. T'es chaud toi. Ah ouais, toi t'es un bon. C'est dommage que t'aies plus la boîte parce que il faut quand même savoir que Polo, alors qu'il quand même bosse pour Fun, a failli se faire recaler du week-end. Ah ouais. On a pas voulu le laisser rentrer, j'ai dû retourner pour aller le chercher. Ah oui, c'est bon, il est avec nous. Ah oui, bon, mais d'accord, c'est ok. Parce que je suis moche. Ouais, pas bah, peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a de ça. Tiens, il y a Chin sur le Twitter qui dit j'arrive pas à faire ma rédac tellement je suis mort de rire avec vous, je vous kiffe. Bah Chin, laisse ton numéro de téléphone, on va essayer de t'appeler pour t'aider à la rédaction. Hein. Voilà, donne-nous le thème de la rédaction. Polo va te dicter. Voilà. Il y a Maxence qui dit si je devais changer mon nom, je m'appellerais Maxence Grosse Bite Bien Droite. et réalistique. Il dit je veux devenir dans l'armée des doux. Au passage, un message de bienvenue. Wow, bah écoute, réalistique, pourquoi pas dans l'armée des doux D'abord, prends des cours de français, tu deviendras un militaire des doux. Un meilleur militaire. Ta gueule, connard. Ah, mais je l'avais déjà mis celui-là, pardon, tant pour moi. Attendez, je vais mettre un autre. Ça tient le cul, connard. Voilà. Bon, alors, Jamel, bah écoute, on va l'appeler alors dans quelques minutes. D'accord. D'accord. Ouais, bah, Mika. Ouais. Ouais, dis-moi, je dois commencer comment? Je dois lui dire directement que je suis fan radio ou je dois... Non, bah tu lui dis, tu lui fais ta demande, etc. Et après, tu dis que t'as voulu te la ramener, voilà. Que t'as fait ça devant tous les auditeurs, on etc. etc. et puis voilà. Hein. Non, mais ouais, fais ça. D'accord. Eh, fais-lui un petit laïus ou lui dire que c'est la femme de ta vie, que c'est la plus belle, que t'es nanana, va adorer. Même si tu le penses pas, ça fait toujours plaisir. Mais même si tu le penses pas, ça fait toujours plaisir. Bon, reste avec nous, Jamel. On fait ça dans quelques minutes. Reste là. On va se faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. On aura le retour de Maxime, Julie également qui est avec nous là. Salut Juju. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Oui, ça peut aller. Ça bon, va. Qu'est-ce qui t'amène, Julie? Bah, en fait, c'est mon copain. Ouais. C'est un sacré mytho, mais grave. Tu sors avec toi, alors? On sort ensemble? Non? Non. Ah bon, combien mesures-tu alors? Non, mais non, elle est déjà avec un mec. Ouais, mais c'est un mytho, elle va le larguer. Combien mesures-tu? Ouais, c'est ça. Moi puis un mytho pour un mytho, autant prendre le deuxième. Alors, non, pas forcément, non. Combien mesures-tu? 1m63. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Il faut manger maintenant. Hein. Non, reste bien, c'est bien mince. Donc, quel est ton tour de poitrine? Non, quand même pas. Mais si, surtout. Vas-y. C'est entre nous, c'est entre nous. Ma gueule, c'est ça? Mais non, pas du tout. Ah là là, 90B. Oh, ça va, pourquoi tu veux qu'on te foute de ta gueule? Parce que c'est petit quand même. Mais non, c'est ça va. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais oui, bon ben voilà Julie, ton mec est un gros con et on peut le remplacer sans problème. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Non mais on va la récupérer dans quelques minutes Julie, là. Restez avec nous, il y a Jamel et la demande en mariage, la réponse à la colle de François. Et puis le chéri, je peux te faire cocu au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël, nos limites, on écoute Nervo maintenant, c'est Revolution. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, en direct avec, dans quelques minutes, le son de Britney Spears, je vous l'avais promis là. Allez, Till It's Gone, ça va débarquer sur Fun Radio. Yes, je n'ai pas mis Major Lazer, j'ai oublié. Ouais. Bah alors? Je l'ai pas mis hein? Bah non. Ah bah non, mais putain, mais je suis complètement con. Ah bah je vais le remettre alors, attends, je vais le rechercher, du coup je l'ai perdu. Alors attendez, Major Lazer là, voilà, hop là, ce sera le prochain. Alors du coup le prochain. Ah j'avais dit dans moins de 10 minutes, c'était à 50. Donc il va arriver là, Major Lazer avec Shana Paul. Ce sera Come To Me dans quelques minutes sur Fun Radio. Alors écoutez, pour ceux qui bavent et qui veulent l'écouter, il va arriver dans quelques minutes, justement dans moins de 10 minutes cette fois-ci, promis. Juré craché. Voilà, je vous le cale dans quelques minutes sur Fun Radio. Y'a Mathis qui dit, c'est quoi ce son? Au passage, j'ai une blague pour Polo, mais il est un peu tiré par les cheveux, car il est chauve. C'est drôle ça. Kevin aussi, après Air France, je collerai des autocollants dans la compagnie Tunis Air que je prends lundi prochain. J'adore vous faire de la pub. Ah bah Kevin, j'ai toujours reçu les photos d'ailleurs, hein, parce qu'il avait, il était parti, je sais pas où, il avait mis des autocollants sur la carlingue de la View. Il devait faire des photos, ouais. Il les avait faites, mais je les ai pas reçues, Kevin. Tu te mets bien, toi, Kevin, un petit voyage la semaine dernière. Tunisie la semaine prochaine, ça va, hein? Il est blindé. Il se met pas mal. Il y a des gens qui savent y faire. Hein. Il se met pas mal. Il y a Jeanne-Françoise, ring pour la recherche. Celui qui a proposé Michael Jackson pour la colle mérite de gagner. Alors j'avoue qu'il s'est fait chier. Ah non, c'était pas mal. Ah ouais. Et il y a Umut aussi qui dit voilà mon nom, il serait composé de 99 caractères. Tof, la tête de bite avec sa micro-bite et qui aime sodomiser Polo par le derrière. Tout ça accompagné de la bite de Polo qui est également une micro-bite. Waouh. Ouais, c'est un peu long. Hein. En même temps, qui aime sodomiser Polo par derrière, c'est difficilement faisable par l'avant. Ah non, alors moi je peux vous montrer, il y a des techniques. Non ben on préfère pas savoir au final, je savais que j'avais posé une question à con. Bon, on a le chéri, je peux te faire cocu là. Alors ça a été super tendu de trouver le bon. mais on en a un, c'était Daniel qui nous avait appelé. Et donc je peux vous mettre un extrait, vous allez voir que c'était du très très lourd. Tu vas dire à ta putain de salope derrière qu'elle va fermer sa gueule parce que moi je vais débarquer et je vais l'encastrer. Hein. Voilà, donc c'était assez énorme. Non mais je t'ai dit, depuis tout à l'heure, je te répète de fermer ta putain de grande gueule de con, d'accord, parce que tu sers à rien. Au niveau de la vulgarité, je pense qu'il était quand même pas mal. Hein. Eh hey, putain, j'ai dit tu fermes ta gueule là, je vais vraiment péter un plomb. Voilà, et elle avait pété un plomb, hein. Donc chérie, je peux te faire cocu à suivre dans quelques minutes. Avant de prendre Jamel et la demande en mariage, on a quand même Maxime là qui appelle des Vosges là. Ouais. Bon, Maxime qui nous avait appelé parce que tu voulais mettre un coup de dur contre ton pote. Coup de gueule, ouais. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Rappelle-nous pour ceux qui débarquent là. Bah, il vend de ses notes et puis en cours, il me touchait les couilles alors je lui disais d'arrêter. Ouais. Et je me prenais des punitions, tout ça parce que on parlait en cours. Ah, mais il faut pas parler en cours là. Quand le prof dit stop, on ne parle plus. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu racontes ta life. Ouais. Ah bah oui. Et après tu t'étonnes. Mais après tu t'étonnes effectivement que t'es emmerdé et que le prof te met des conneries, des mauvaises notes. Et qu'est-ce qu'il t'a mis là exactement là? Bah il me fout des mots dans le carnet et tout et. Ah bah oui. Mais... Ouais mais c'est normal. En même temps. Oui mais tu fais de la merde. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Hein? Ouais bah c'est pas de ma faute. Bah si c'est ta faute. L'autre c'est pas de ma faute. Il dit des conneries, il arrête pas. Et tu nous as expliqué tout à l'heure aussi que ton pote te touchait la bite, c'est quoi ces conneries? Oui, bah en cours, bah, il me touche la bite. Il est un peu gay, non? Mais genre, des fois, je me suis vraiment énervée. Et le gars, bah, il comprend pas, il continue. Bah, va te plaindre au prof alors, dis-lui, écoutez, bah, madame ou monsieur. Il change de place et tout. Si tu changes de place, il peut plus te toucher la bite. Bah, moi oui, qu'il ait des super bras. Bah voilà, non mais tu le dis au prof, attends mais te laisse pas. Donc, faire. Tu veux qu'on envoie Polo là, il va remettre les choses au clair lui hein. Je le démonte avec l'armée voilà, des doux. Et l'armée des doux va débarquer, hop on va faire le ménage et puis ça va partir de partout hein. Un coup de pelle, le lance-flamme, et puis au finir, hop, un peu dans la gueule et puis voilà. Hein. Terminé. Attends, on fait le ménage et tout. Bon, et te laisse pas faire Maxime, t'as compris? Ouais. Les auditeurs de Fun Radio et particulièrement de cette émission ne doivent pas se laisser faire. On est des rebelles, on est des durs, on n'est pas les sous-merdes des autres radios. Ok? Ouais. On est au taquet, nous. Bon, je compte sur vous. Je veux une bonne armée, moi. Et nous, on n'a pas des gens du Bangladesh. Voilà, exactement. Je veux bien que les auditeurs, s'il y en a du non, Bangladesh, on est bien. Non, je parle des faux, là. Ah oui, bien sûr. Bon, ben voilà, Maxime. Bon, je compte sur toi? Ouais. À l'armée? Ouais. Et garde à vous? Garde à vous. Repos. Allez, bonne soirée, Maxime. Je peux passer une dédicace? 5 euros. Non, attends, parce qu'il faut que tu me fasses le virement d'abord. En petites pièces. Je veux des pièces de 2 centimes. Je peux emmerder le monde. Bon, allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Dédicace à Chloé qui m'écoute. D'accord, eh ben parfait. C'est quoi, c'est qui Chloé? C'est ma pote. D'accord, tu veux la pécho, non? Non. Oh, bah, vas-y, bah, tu bah, peux bah, nous dire bah, la vérité. Bah, attends, je te vois, t'es tout rouge là. Non. Si, je te vois, t'es tout rouge. Bon, Chloé, il veut te pécho là. Il veut un bisou demain à la récré. Avec la langue. Non, pas ça. Ouais, non. Bon, allez, un petit peu, vite fait. Bon, allez, juste sur le bord des lèvres. Voilà, c'est ça. Hein, Maxime? Ouais, non. Ah, il aime les filles. Il est amoureux. Hein, Maxime? Non. Si. Ouais. Eh, c'est pas grave, Maxime, hein. T'inquiète pas. T'inquiète. Après, tu te la raconteras. Mais oui, c'est ça, bien sûr, tu vas te la ramener après. Bon, Maxime, salut à toi. Je peux avoir un pack le fun? Bien sûr, en plus il y a des capotes dedans. Alors je sais que 12 c'est un peu jeune, mais mieux vaut en avoir trop tôt que trop tard. Voilà, comme ça il a le temps de s'entraîner. Voilà, on va t'envoyer ça Maxime, il n'y a pas de problème. Tu vas gérer ça avec Sandro au standard maintenant. Salut à toi. Salut. Salut. Et oublie pas Chloé, demain dès que tu le vois, bisous. Hop là. Voilà, un petit suçon dans le cou. Ah, qui me dit mot qu'on sent Maxime hein. Ouais. Je le savais. Ça se sent ça comme ça, ça se sent. Bon allez, bonne chance Maxime. Ouais. Allez, salut à toi. Bon, allez. Jamel, maintenant, avant de récupérer Julie et son mec là, qui avec qui ça va pas, on en a pas appris plus, mais on va en apprendre plus dans quelques minutes. Jamel qui est avec nous de Toulouse pour faire pour faire cette demande en mariage. Ah. 18 plaintes, l'homme oui. 2000 combats. Exactement. Bon, on y va. On l'appelle le catcheur. Allez, des boîtes de nuit. Allez, on y va. C'est parti, ouais. Elle s'appelle Marie, hein, c'est ça. Hein. Marie, c'est ça. Ouais. Parfait. Allez, hop, on est derrière nous. Quand t'as besoin, tu nous appelles. Hein. Ok, ça marche. Bon, là, il nous entend plus, comme d'habitude, bien sûr. Une fois qu'il va dire qu'il est en direct sur Fun Radio, on ne dira rien et il passera pour un idiot. Vous connaissez le principe. Allô. Ouais. Oh là là. La voix sexy. Non, j'étais en pleine forme, j'étais en teuf, là. Non, j'ai attendu. Ah, ouais, bah, je sais pas, parce que je t'ai dit de ne pas dormir. Hein? Ça veut dire ne pas dormir, c'est pour ça. Je dors pas. Oh putain. Ah, tu dors pas. Bon, ok. Tu sais les messages que je te disais tout à l'heure là, tout ça là, les messages qu'on parlait, qui étaient, voilà, que je t'aimais, tout ça là. Oui. Voilà, c'est pas vrai. Je peux te dire que voilà, que je le pensais vraiment, que tu étais la femme de ma vie et tout ça. Et en fait, je voulais te demander. Voilà, je vais te demander. Et là, je lui raccroche au nez. Quelque chose, mais bon, c'est un peu délicat de te le dire, parce que je sais pas qu'est-ce que il a monté. Mais bon, je vais quand même essayer. Et je voulais te dire qu'il était vraiment la femme de ma vie. On a eu beaucoup de problèmes ensemble, mais tu es toujours là. Ça fait voilà, ça fait 4 ans. Et je veux vraiment vraiment faire la, je veux vraiment faire ma vie avec toi. Et merci pour la petite que tu m'as fait. So sweet. Et voilà, t'es vraiment la femme de ma vie. Je veux vraiment vraiment finir ma vie avec toi. Et je voulais savoir est-ce que tu voulais m'épouser. Oh. Oui. Oh, on va pleurer. C'est trop choupi. Oh, il est tombé d'ailleurs. Ah oui, il est tombé, il s'en est parmi donc. Merci. Oh là là. Bon, écoute ma chérie, mais là je suis juste pour te dire, bon, si j'ai mis du temps à te rappeler, parce que en fait, c'est à cause de ces connards. Je voulais faire ça, je voulais te faire la surprise devant la France entière. Et là en fait on est sur son radio là. T'es sérieux? Ouais. On va laisser galérer un peu. Ah d'accord. Bon Mika, tu m'aides un peu. Ouais. Mais si, je dis on est devant la son radio, mais Mika il veut pas répondre. Il veut pas répondre, voilà. Qu'est-ce qu'on est des connards quand même. Ah, c'est mais scandaleux. Mais non, elle croit pas. Ouais, c'est sa menteur. je te le promets. Mais non, t'as un mytho. T'es un mytho. Pauvre. Mais non, je suis pas un mytho. Je te dis. Oh. On est sur à la radio là, je te dis. À la radio. Mais non. Je te dis, on est sur la radio. Voilà, voilà quoi. Mais bon, j'essaye. Bon, voilà quoi. Je voulais juste te dire. Il rame. Voilà. Oh, il rame. Je vais te dire ça et voilà, je te reviens. Voilà. Oh, c'est émouvant. Ah oh, oui. Oh, c'est émouvant. Elle pleure. Ah oh, oui, mais tout le monde pleure, toute l'équipe est en pleurs. Ah oh, oui, c'est tellement. Ah ouais. Oh, c'était tellement beau. Ah. Oh. C'était choupinou. Mais oui, ça va Marie? Oui. Oh, toi t'es du style à. Ah, déjà félicitations, bravo. Félicitations, hein. Bravo. Ah bravo, attends. Ouais. Toff, il va lancer le riz là. Voilà, on lance le riz là actuellement là. Hop là, il faut là. Et qui va lancer? Qui va rattraper le bouquet de la mariée? Ah c'est pas moi. Ah merde. Ah il y a Sandro là qui l'a attrapé. Ah, ouais, bravo. Mais tu es mariée dans la rue. Ça y est. Ouais. Non, elle est en train de bouffer là. Elle est au buffet. Bon, eh ben bravo à vous en tout cas, Jamel, ouais. Et Marie là. Merci, félicitations. Merci, hein. Merci. Oh c'est merci, beau. Merci. Mais dis donc Marie. Oui. En vrai, tu dormais, non? Non. T'as dit j'attends. Ah oui, mais pas. T'avais la voix de quelqu'un qui venait de se réveiller là. Non, oui, j'allais m'endormir, mais je dormais. Ah. T'sais, un peu. Moi, ça m'arrive tout le temps. T'sais, quand t'es en train de regarder un film ou une série, ça m'arrive. T'sais, bon, je regarde, je suis avec ma copine. Puis, t'sais, tout d'un coup, je m'endors. Ouais. Et puis tout d'un coup, elle fait, tu dors? Et non, pas du tout. Alors qu'en fait, c'est pas grave. Dans l'idée, tu vois, tu t'endors, c'est pas dramatique. Mais t'as toujours envie de. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis t'inventes n'importe quoi en espérant que voilà, tu t'es pas endormi trop longtemps et puis au final tu passes pour un con parce que ça c'est vraiment le mytho qui sert à rien, tu vois. C'est-à-dire que tu dis oui c'est je me suis endormi, voilà, c'est tout. Mais non, il faut absolument aller jusqu'au bout et rester dans ta mythomanie. Est-ce que c'est votre cas ou psy ou pas, Jamel et Marie là, quand vous regardez la télé? Bah oui. Qui s'endort en premier d'habitude? Ceux qui dort en premier c'est Marie. C'est marié et alors ah ça commence déjà, première dispute. Même pas marié, première dispute, c'est parfait. Moi, je ne vais pas m'embrouiller avec Jamel. Non. Parce que je ne veux pas être le 5000e mec qui l'envoie au tapis. À l'hôpital. Voilà. C'est mieux, effectivement. Oui. Bah, au moins, Marie sait qu'elle est bien protégée. Ah oui, oui, oui. Ah, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Bon, Jamel et Marie, là, vous n'oubliez pas de nous envoyer la petite invitation pour le mariage. Avec plaisir. Voilà, nous on va venir faire l'animation là, et puis on va venir bouffer aussi gratos surtout. Hein. D'accord. Ouais, attends, ouais, quand même. Bah, c'est à ça que ça sert, non, un mariage. Bah, c'est totalement à ça que ça sert, un mariage. En plus, Toff, il a des magnifiques lunettes que je lui ai offertes de Madrid, qu'il mettra pour la peine. Et tu as vu, je les ai bien utilisées. Ah oui, ce week-end. tout le week-end au Havre et tout. Les photos d'ailleurs, vous pouvez les voir hein, sur le Facebook, hein, n'hésitez pas. Bon, mais bravo à vous deux en tout cas. Bravo Jamel, bravo merci, Marie. Merci. Gros merci, bisous. Merci. Ah, Mika, je peux passer une petite dédicace? Ouais, bien sûr. Allez, toi, pour l'anniversaire de mariage, tu peux open bar. Ouais. On a compris, bah, d'accord. C'est mon cadeau de mariage. Ah, oh, c'est d'accord. Pas du tout enculé, pas radin du tout. Vas-y, attends. Ouais, de grosse dédicace à la 101. D'accord. Ah, c'est tout. Bah, pour une fois que j'ai ce open bar, Barbedienne, ah. 9-4. Voilà. Vu. Très bien. Eh ben, tout le monde est passé là. Il hein. y a le Schler. Très bien. Arcade. Ouais. C'est tout. Cactus. Ouais, j'ai rêve. T'as vu, très bien, Coquelicot, t'as vu, Coquelicot dans la place. Ouais. Il va se marier. Ben voilà, allez, pour les mariés, pour le mariage. Ah, oh, la belle musique, ça va être génial. Bon, salut Jamel, salut tes potes, ouais, et salut Marie, gros bisous salut, à vous. Salut Mika. Salut, ciao. À bientôt à vous, ciao. Dédicace à Coquelicot qui écoute, t'as vu. Ouais. Il y aura Julie dans quelques minutes également, le gagnant de la colle aussi, les appels de Toff. Oui. La suite, bah oui, puisqu'on vous demandait depuis tout à l'heure, puisqu'il y a eu, on est tombé sur des trucs à la con, bah faut quand même le dire, hein, pour le coup c'est vraiment complètement idiot. Hein. C'est comment on appelle ça, à chaque fois j'ai oublié. C'est j'ai oublié. De quoi? Bah, le truc. Les fausses idées, les idées reçues. Ah, les idées reçues. Putain, ouais. J'avais oublié les idées reçues, voilà. Donc c'était un site d'idées reçues avec des fausses idées évidemment, qui disait à base de sexe, hein, qui disait qu'il y avait une meuf qui s'était étonnée d'être tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule par le vagin. Il y a une autre qui croyait perdre du poids en avalant le sperme de son mec, elle pensait que c'était des calories négatives. Il y a un couple qui essayait d'avoir un enfant et après 10 ans le gynéco lui a dit qu'en fait c'était le mauvais trou. Et puis il y en a une dernière, hein, c'est faire l'amour pendant les règles peut rendre bossu pour le mec. Ouais. Et donc on appelle des gens depuis tout à l'heure afin de voir si Ils y croient et si surtout ils pratiquent. Oui, parce que c'est vrai que tout le monde ne pratique pas. Bah tout le monde ne pratique pas en effet. Donc si vous avez des numéros de téléphone à balancer à Toff, n'hésitez pas, toph@funradio.fr. Et puis on les appelle encore dans quelques minutes. Il y a Sylvain qui dit vous avez mis un vent à Jamel, je suis plié. Il y a Crafter aussi, je me marre, c'était trop, on est sur Fun. Et Mickaël, non. Nessie aussi, oui, il nous entendait pas évidemment pendant qu'on parlait, hein. Nessie qui dit mort de rire, Mickaël, ça se fait pas le gros moment de solitude. Ouais, le pauvre. Et Drakid qui dit t'es un mytho, le mec croit pas, t'es un bâtard Mickaël. Et le Doc Coco qui dit Amika trop fort, sérieux. Mystique aussi sur le Twitter. Quelle belle déclaration d'amour, c'est trop mignon. Oh, oui, c'est mignon beau. Pour Chris également. Pareil pour Maria. Et la petite fée qui dit tu veux vraiment des pièces de 2 centimes, Mickaël, j'en ai à l'appel. Ah, oh, bah bien sûr, hein, nous on prend. L'argent, problème. C'est de l'argent. Ah, bah clairement, ouais. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, mais alors profitez-en bien parce que nos jours seraient peut-être comptés apparemment. Hein. Donc ah bon à voir. Bah oui, on est en liberté en 2014. Ah, mais, oui. Ah oui. Allez savoir l'année prochaine. Oui. On peut pas savoir. On est au cœur de la nuit sans pub, il est minuit 38 sur Fun. Bienvenue à ceux qui débarquent, les nouveaux, vous êtes les bienvenus aussi. C'est Major Lazer qu'on écoute maintenant et Sean Paul sur Fun. Come to me. Come on to me. C'est Fun Radio avec le son de Major Lazer à l'instant. 23h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, là, comme tous les soirs, vous balancez toujours vos messages, bien sûr, sur le Facebook de l'émission, notamment facebook.com/mikaelofficiel, et puis sur le Twitter également avec le hashtag Mikaël. D'ailleurs, on va faire un point sur le top tweetos également. Je rappelle que depuis 23h, comme tous les soirs, si vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mikaël, eh bien, vous serez classé dans le top tweetos, bien sûr. Là, on donne le nom des 5 premiers, et c'est le numéro 1 qui repart avec le sextoy ce soir encore, offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Alors, quel est le numéro 5? Célia. Numéro 4, Chris. Numéro 3, Elliot. Numéro 2, Drakit. Et enfin numéro 1, Fred S34, bien entendu. Donc il vous reste une heure et quart à peu près pour balancer vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, bien entendu. Et en parlant de Twitter, je rappelle que si vous m'avez pas encore ajouté, bah suivez-moi, hein. Si vous me faites un follow, je vous suivrai également à mon tour, comme ça on se suivra mutuellement, je saurai ce que vous ferez, et puis moi je vous saurai ce que je ferai, etc., etc. Donc voilà, twitter.com, tapez Mikael officiel, Mikael underscore, c'est le petit tiret en bas, Mikael underscore officiel. Il y a Mystique, il dit, tu pourras passer Pharrell Williams, c'est vrai que Marilyn Monroe, s'il te plaît, pour mon anniversaire, ce serait possible d'avoir un pack fun également. Ouais, Mystique, tu dois demander à sandro@funradio.fr avec tes coordonnées pour le pack fun. Et alors, pour la chanson, pour le son de Pharrell Williams, alors, tu avais demandé lequel encore, Marilyn Monroe. Eh ben, on va te le mettre, Marilyn Monroe, on va te le mettre. Voilà, il va arriver dans quelques minutes là. Ah ouais, on va se mettre bien. On va te chiller pendant que Top va chier. Évidemment, comme d'habitude. Bon, on est un peu à la bourre. Minuit 43 et c'est l'heure de faire les appels avec Top. Allons. On le fait à l'habitude vers minuit et demi, hein, on va le refaire maintenant. Pour savoir s'il y a des gens qui font l'amour avec leurs règles et donc du coup quand la meuf a la règle, elle a ses règles, bah, du coup il risque de devenir bossu apparemment, bah oui, d'après cette grande information, ce grand site de merde. Bon, donc on appelle grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on récupère Julie après et la réponse avec la colle de François promis juste après les appels. Si on aura le chéri, je peux te faire cocu aussi qui va suivre bien entendu. Et ça va être du lourd, hein. Je peux vous le dire, le chéri, je peux te faire. Alors... Oui, bonsoir madame. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez, vous faites parfois l'amour avec votre mari quand vous avez vos règles. Oui. Justement, je n'ai rien à faire. Bah si, je vous appelle madame. Putain, mais encore en Corse. Et que ça peut vous faire. Bah c'est parce que en fait, sinon votre mari risque de devenir bossu, madame. Et toi, espèce d'enculé, tu es pas bossu. Bah non, monsieur. Va te faire enculer, espèce de connard. Bah, pourquoi vous dites ça, monsieur? Ah, on est nouveau en Corse. Hein. Je vous avais dit plus de numéro de Corse parce qu'il faut qu'on se fasse un peu oublier là-bas. Là. Enfin, surtout toi, à l'occurrence. Oui. Bon, bah tant pis, du coup, on va le rappeler. Hein. Bah oui. De toute façon, en même temps, tout à l'heure, il voulait envoyer des amis à lui à Paris pour te tuer, donc on est plus à ça après. Non. Allez. Allô. Oui, je m'excuse madame, mais je crois que votre mari s'est un peu emporté. Oui, mais arrêtez un peu, écoutez, je n'avais rien à faire. Hein. Mais putain, oh. Ben, non, moi je veux juste, je vous pose une question madame, c'est mais tout. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ben, c'est juste pour savoir, parce que votre mari risque d'être bossu madame. Mais vous, vous n'êtes pas bossu. Non, pas du tout madame. Bon, allez vous faire foutre maintenant, d'accord? Ben, moi, allez. Mais vous ne voulez pas répondre à ma question avant? Non, je vous réponds pas. Allez vous faire foutre et c'est tout, hein. Bah, c'est pas très gentil, ça, madame. Bah, ouf, oulala, va te faire voir, ouf. Oh non, madame. Ouf. Allô. Ouf. Oh, bon, on la rappelle. Ouf. Allez, hop. Bah oui, ouf. Non, ça va pas, ta gueule, toi, oh, Boutafieva. Ziali Boutafieva. Ah, Boutafieva. Mais je sais pas ce que c'est un Boutafieva. Bah non, moi non plus, tiens. Bah attends, on va le rappeler pour la peine. Allez, hop, de retour en Corse, une dernière fois. Je pense qu'après, ils vont perdre patience. Bah ça ne décroche plus encore. Allô. Oui, allô. Allô. Oui, excusez-moi, j'étais en communication avec je ne sais pas qui et je voulais savoir en fait si vous faites parfois l'amour avec votre femme quand elle a ses règles. Non, pas souvent. Ah, pas souvent, mais ça vous arrive? Non, non, ça, pas souvent, non. Ah c'est bon, con. D'accord. On y pensera. Merci pour non, justement, conseil, il faut pas parce que vous risquez de devenir bossu, monsieur. Ah merde. Oui, donc il faut pas. C'est embêtant. Bah voilà. Mais j'y penserai. Bonne soirée. Voilà, pensez-y, monsieur, au revoir. Allô, allô. Oui, monsieur. Je m'excuse, j'étais grossier. Hein. Ah bah oui. Ah ouais, il fallait pas. Bah non. Non, mais je crois que c'était vraiment... Non, mais je vois que c'est pas... Vous n'êtes pas vulgaire. Vous. Mais pas du tout, monsieur, jamais. Je n'oserais pas. Ah d'accord, d'accord. Oui, parlez. Voilà. Je vous écoute. Ben non, voilà, c'est bon. Ben, votre fils m'a expliqué que vous faisiez pas, donc du coup, vous risquez pas d'être bossu, monsieur. Ouais, il faut parler. Non, j'ai envie de... Non, exprimez-vous, alors. Non, mais... Hein? Ben voilà. Non, c'est parce exprimez-vous. Ben, je vous appelais parce que si vous faites l'amour pendant les règles de votre femme, vous risquez de devenir bossu. Et donc, voilà, je voulais vous prévenir, quoi. Attendez, comment ça fait maintenant que vous parlez? Ça fait déjà comme une minute. Oui, à peu près, monsieur, oui. Ah, ben, je crois que c'est suffisant pour que la police vous repère, hein. D'accord. Ah mais... Je vais déposer plainte, hein, et je crois que ça suffit. Hein. Vous êtes resté longtemps au téléphone, ils vont vous repérer. Hein. D'accord. Mais vous voulez donc du coup, enfin vous. Et j'arrive sur vos côtés. D'accord. Et bah écoutez. Votre plaisanterie, complètement débile. Oh non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Non. Écoutez, va parler. Plus je vous parle, plus je vous allez être repéré. D'accord. Et ils vont vous localiser. Là. D'accord. Allez-y, parlez. Non, mais si vous voulez, je vous donne l'adresse. Et vous écoute. Non, vous voulez pas que je vous donne l'adresse, ça ira plus vite. Non, c'est pas l'adresse que je veux, là. C'est sur un bidon, mais là, mais c'est pas moi qui vais retrouver l'adresse. Ah non, mais... C'est la police. Ben, parce que moi, je peux... La police, il va vous trouver. Plus je vous parle, plus je... Allez-y, exprimez-vous. Non, mais je m'exprime, monsieur, mais là, moi, j'ai fini, hein, donc... j'ai fini. Continuez. C'est mieux pour la police. Oui, mais là, j'ai plus rien à vous dire, monsieur. Allez-y, faites un effort. Allez. Oui, mais vous voulez qu'on fasse un effort de quoi, monsieur? Vous voulez qu'on parle de quoi? Écoutez, non, ça fait des minutes, je crois que c'est largement suffisant. Bah oui, je pense aussi. Pour que la police vous localise. Voilà. Ok, merci. Bah de rien, monsieur, une bonne soirée, hein, au revoir. Ah bah lui, il s'est cru où, lui? C'est là, et la police va vous localiser. En fait, il a cru dans CSI, dans les experts. Ouais, il a cru que c'était les experts, c'est... Gardez-le au téléphone, il faut encore une minute pour arriver à le localiser, là. Gardez-le au téléphone. Non, pas du tout. Il y a Lola qui dit, putain, j'ai mal au ventre, je suis plié. C'est quoi cette expression? Bah écoute, je sais pas. En plus, que moi, je voulais lui donner l'adresse, c'est lui qui en voulait pas. Oui, en plus, ouais, mais il vaut mieux pas. Midi qui dit, alors j'ai gagné, mon poisson rouge est mort hier. Je pense qu'un iPad mini me réconforterait. Eh oui, Midi, bien sûr, je t'en mets deux, tiens. Il y a Julien du 47 qui dit, vous êtes géniaux, toute l'équipe. Je vous écoute tous les soirs depuis mon taf et le temps passe plus vite, continuez comme ça. Ben merci Julien du 47. Ben, qu'est-ce que tu fais comme taf, tiens, dis-moi là. Alors, attends. Si tu taffes de nuit, je vais te dire agent de sécu. Infirmier. Ou infirmier. Bon, en même temps, t'as quand même plus le temps quand t'es agent de sécu de tweeter que quand t'es infirmier. Ouais. Mais bon, c'est bon. Bah, ça dépend, hein, si t'es parfois, bon, il exclame c'est le mec pendant qu'il envoie son tweet. C'est aussi, c'est vrai. Megumi aussi qui dit, oh, Megumi qui est de retour. Je dois partir, je suis déçu, Mickaël a pas lieu de mes tweets. Merde, je suis pas n'importe qui quand même, je suis la première fan de son corps de rêve. Oh, bah, dis donc, Megumi. Là, écoute, Megumi, j'ai lu, bah, j'ai même pas vu que t'étais de retour, Megumi, dis donc. Bah, bienvenue, re-bienvenue, Megumi. 69 degrés qui dit, moi ce soir, pas de top tweet pour moi, ma nouvelle meuf m'a trop tapé. La causette ce soir, j'ai dû trouver l'excuse, j'ai sommeil pour écouter Mickaël. Oh, qui est con. Attends, l'autre il a la chance d'avoir une meuf et il la zappe pour écouter la radio. Note à bien faire. Non, mais il a raison. Ouais. Et puis il y a Yvan qui écrit les nouveaux jingles. Mickaël, nos défauts, Toff, nos neurones, Sandro, nos culottes. Ah, bah t'as oublié Polo dedans là, il refait le en mettant Polo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Polo? Nos cerveaux? Non, il y a déjà Toff qui a déjà nos neurones. Nos cheveux, ça va. Ouais, nos cheveux, pardon, ouais, c'est pas mal. Et alors Kevin aussi, perso pour Toff, ce serait Toff n'a pas eu la chance avec la nature à cause de sa tronche de cake et sa face de cul. Ah, pour le nom le plus long, ouais, c'est vrai, c'est pas pourquoi mal. Pas, ça se tient. Bon, on va faire la réponse avec la colle là maintenant. François, t'es là? Ouais. Très bien. Bon, t'as de la chance, hein. Plus on appelle les gens tard, plus il y a de chances qu'ils ne décrochent pas. Bah oui. Ah bah oui. Bon, on va appeler maintenant. Je rappelle que t'as posé une colle tout à l'heure. Si la personne qu'on appelle maintenant, qu'on a tiré au sort sur le Facebook ou par SMS, si elle décroche et donne la bonne réponse, tu gagnes. Sinon, tu perds. D'accord? D'accord. Enfin, si elle donne la bonne réponse, c'est elle qui gagne et tu perds. Si c'est l'inverse, évidemment, c'est pour toi. On y va, c'est parti, on l'appelle, bonne chance. Et depuis tout à l'heure, ça résonne avec toi, François, c'est insupportable. Tu as un téléphone de merde. Bah, je sais pas où t'as le haut-parleur ou le kit manip ou la radio, j'en sais rien, mais. Il y a un sale écho à chaque fois qu'on parle. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? David. Salut David, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, t'es dans quelle ville David? Dans le Beaujolais, d'accord, ok, très bien. Bon, François, il y a une colle, David, il y a François qui a une colle pour toi là, vas-y François. Oui. Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc, qui suis-je? Le charbon. Ouais. Oh putain! Oh Eh ben bravo David, l'iPad mini qui est pour toi. François, il vient de te passer sous le nez, mais de pas grand chose. Hein. Oh là là. Bon bah tant pis, hein. Bah François, c'est la vie. Bah ouais. Bon, on va quand même te repasser, Sandro, on va te filer un pack, François, d'accord? Ok. Salut François, à bientôt. T'es dans quel bahut, toi? Moi, je suis Alberto Giacometti. Et t'as prévu tes potes que tu passais ce soir? Non. Ah bah il fallait François, bah oui, quoi, là alors. Comment tu veux qu'on arrive à. Comment tu veux qu'on arrive à avoir de plus en plus d'auditeurs si tu fais pas le boulot François là, tout le monde le fait sauf toi? Non mais normalement il y en a qui écoutent habituellement. Ah. D'accord, alors ça va parfait. T'as repris les cours ou pas encore? Ouais. Aujourd'hui? Depuis la semaine dernière. Ah depuis. Ouais, ça va, t'as l'habitude, donc ça va alors. Très bien. Bon bah merci François, on salue tous tes potes au bahut. A bientôt François. Ok, salut. Ciao, à bientôt. Bon bah bravo David hein. Bah merci. Bah je t'en prie, iPad pour mini pour toi. Alors je sais pas si c'est un blanc ou un noir, mais on verra bien. Tu voudrais quoi toi, blanc ou noir? Je te garantis pas la couleur. Plutôt blanc, j'ai un iPhone déjà donc. Ah d'accord, donc... t'as un iPhone blanc? Voilà. Très bien. Eh ben écoute, ok. Ben si on peut, parce que là j'en ai un là, c'est un noir, mais je sais pas si c'est celui-là que tu vas recevoir parce qu'on en offre toute la semaine. Donc voilà, on verra bien, on verra bien. Bon après tu vas pas faire le difficile, hein. Non. Il serait rose que c'est pas grave dans l'idée. Enfin, si, parce que ça serait un faux même, du coup. Mais c'est pas rose. Non mais du coup il serait faux surtout. Bon ça roule. Salut David. Allez merci bye. Allez je t'en prie, à bientôt David. Bon on va récupérer Julie dans quelques minutes. Bon du coup pour le coup Julie on sait pas de quoi on va parler avec toi, ma Juju. Bah en fait mon copain. C'est un peu une couille molle. Ah, c'est-à-dire. Donc c'est ce que je disais, en fait, tu sors avec Toff. Moi, j'aimerais bien. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai un fort caractère. Ouais. Que je me laisse pas faire quand j'ai un truc à dire, je le dis. Ouais. Ça plaise ou pas. Ouais. Et que lui, c'est très... il a 22 ans, mais c'est très... papa, est-ce que tu peux m'aider? Et je lui ai toujours dit que son père ne serait pas toujours là pour lui. Non, c'est sûr. Donc, on a cassé. D'accord. Donc après, il a fait ce qu'il avait à faire. On a cassé, côté avec son ex. Ouais. On s'est remis ensemble, sauf que c'est un menteur parce que il me fait croire des trucs, il me cache à ses amis et à sa famille. Mais pourquoi tu sors avec Toff? Ah oui, mais c'est ça. Et je comprends pas trop, quoi. Il me prend un peu pour une conne et ça commence à me faire chier, mais quoi. Ah bah, je comprends, ouais. Explique à ta meuf pourquoi tu fais tout ça. Ben, pourquoi tu la caches? Parce qu'elle est moche. Bah non, tu viens de te dire que tu voulais la pécho, là. Ça va encore. Bah écoute, je la connais pas donc je sais pas, mais si elle était moche, je la cacherais. Je le comprends pas parce qu'il me sort des trucs, mais j'ai peur de me remettre avec toi, nanana. Ah oui, d'accord, ok. Bon, écoute alors. Même ça, c'est parce que t'es relou, ça a rien à voir. Non, mais. Non, c'est pas que je suis relou, c'est juste que ça me casse les couilles qu'un mec porte pas ses couilles. Je veux dire, quand t'as un truc à dire, tu le dis, c'est tout, tu te caches pas, t'ouvres ta bouche et puis c'est tout, hein. T'as pas d'accord. à te cacher derrière les jupons de parce ton que, père. Parce que, en parlant de relou, j'ai ramené une de nos danseuses hier soir chez elle en partant de la radio. Oh là là. Bon déjà elle arrête pas de parler donc ça c'est une chose. Mais c'est surtout qu'à un moment elle parlait de son mec. Elle dit ouais non mais ce que je déteste c'est quand je sors avec un mec et qu'on s'engueule pas. Bah comment ça quand on s'engueule pas parce que moi j'aime pas les conflits donc je m'engueule jamais. Ah ben non et puis non je déteste quand on s'engueule pas. Mais par contre s'il avait une fois la voix sur moi c'est fini hein. Bah je dis tu viens de me dire que t'aimais bien quand on s'engueulait, je comprends pas. Et puis elle dit ah oui moi je peux gueuler mais lui il doit fermer sa gueule. C'est la même personne qui nous a dit hier alors qu'on lui dit ouais il croit que il croit que t'es arrivé, c'est le Messi. Elle dit mais pourquoi ils vont demander les joueurs de foot? Qu'est-ce qu'ils vont faire Messi? Voilà. Alors bon, on l'embrasse si elle nous écoute bien entendu. Voilà. Bon Julie, reste avec nous. Si jamais vous êtes une fille également dans le même cas que Julie en l'occurrence, hein, vous sortez avec un mec qui vous cache et qui voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, qui se fout un peu de sa gueule a priori. Eh ben appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Tu connais le jeu toi? Non, pas du tout, non. Non, mais t'es une nouvelle, Julie, alors, t'écoutes pas depuis longtemps? Non, bah, j'écoute pas souvent, parce que vu où j'habite, c'est un peu la merde. Pourquoi, on est couple émetteur de temps en temps, ou... Non, c'est que dans Sainte-Marguerite, y'a rien, quoi. Sainte-Marguerite. Ah ouais, elle habite à Sainte-Marguerite de l'hôtel. Oh putain. L'hôtel. Le portable, ça capte pas, y'a rien qui marche. Faut que je regarde quand même où ça se trouve. Alors, c'est dans l'Eure. Ouais, c'est dans l'Eure, c'est à côté de Conche. Bah, le plus près, c'est Conche. Mais la plus grande ville, c'est Évreux, quoi. Ah, Évreux, ouais, d'accord, ok. Bon, heureusement, il y a Évreux quand même, hein, d'accord. Ouais, okay. Parce que si je dis con, les gens, ils me disent, ah, c'est vous. Quoi. D'accord. Ça. Bon, vous êtes bah, 20 Julie, dans le village. Julie. Non, il n'y a pas beaucoup de monde, on doit être même pas 200, truc comme ça. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, alors, bouge pas de la Julie, on va te reprendre dans quelques minutes. Le chéri, je peux te faire cocu à suivre dans quelques minutes aussi. Et restez là, car, dans quelques instants, surprise. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Et on est évidemment, on dirait qu'il est 1h du mat. Là, il y a Rachel qui était le meilleur. Mickaël, merci Rachel, je te fais des bisous. Abdou également, le meilleur conseil. Vire-le. Eh ben, très bien. Ça, c'était pour notre amie Julie, là, qu'on va prendre dans quelques minutes. Vous allez finir par vous faire tuer par la mafia corse. Ah. Oh, c'est surtout Toff, non, oui. On est pour rien. Tu Axel crèves. Qui dit Toff, la couille molle. Et le Tangu du web qui dit Polo, nos chapeaux ou nos cerveaux. Oui, c'est je sais, drôle, c'est tout ça, pourri. Lui. Ouais, ah, il cherche encore un peu plus là. Guillaume aussi qui dit je passe une dédicace au 16e régiment de chasseurs, s'il te plaît. Bah, c'est fait. Et alors Beaujolais Power, c'est Maxence qui avait envoyé le message. Oui, oui, oui, il en faut. Bon, dans quelques minutes, ah, j'ai eu l'occasion aussi avant la fin de l'émission, dites-moi si ça vous intéresse, de vous passer le nouveau son de. Enfin le nouveau. Ouais, si, c'est le nouveau son de 30 Seconds to Mars avec Afrojack. Ils ont fait alors attention, c'est pas parce que les fans de 30 Seconds to Mars, donc de Jared Leto, vont dire ouais, pourquoi il a remixé, c'est de la merde. Mais c'était avec le consentement de Jared Leto. Donc c'est d'accord. Pas un remix qui a été fait comme ça. Donc c'est avec son consentement, il a donc validé le morceau. Donc si jamais ça vous intéresse, Afrojack 30 Seconds to Mars avec Do or Die, eh ben je vous le mets tout à l'heure avant 2h, hein. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. Lassana qui dit Mickaël, je vous écoute depuis le Mali sur la belle voix de Sandro. Oh dis donc, les fans au Mali, dis donc pour Sandro, c'est pas mal ça. Et je vous avais parlé de surprise à l'instant, et nous allons donc accueillir Jean-François. Oui, Mickaël. Comment va, Jean-François? Ça va impeccable. Oh putain, comment tu vas? Donc en pleine forme, passe un bon week-end. Oui, assez, ouais. Bah pourquoi t'es pas venu avec nous là? On a été au Havre. Comment? Je suis bien reposé ce week-end. Bah tant mieux. Compte. En pleine forme pour parler à ta copine habituelle ou pas? Tu veux qu'on l'appelle ou pas? Ma copine. Bah Cristal. Bah oui, pourra pas. Ah bon, pourquoi elle peut pas? Tu l'as eu au téléphone là? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je croyais qu'elle dit elle pourra pas. Bah dis-moi ça alors, c'est bizarre. D'accord, ok, non mais comme ça très bien. Eh hey, mais JF, Jean-François, tu l'as pécho ou pas? Cristal, tu l'as eu au téléphone après hors antenne? Non, j'ai pas eu hors antenne. Hein. Oh merde. Beau gosse. Ah bah putain, ouais, c'est dommage. Moi je pensais que c'était l'affaire qui tournait là. Bah c'est pas grave après hein, écoute, peut-être que ce soir on va essayer de l'appeler, attends. Peut-être que ce soir ça ira mieux, je sais pas hein. Peut-être. Bah écoute, attends une seconde. Alors attends, bouge pas, on va essayer de l'appeler, D'accord. Attends, bouge pas hein. Mais t'as le manche en main là ou pas? Pardon? T'as le manche en main ou pas? Non, pas encore. Ah bon, enfin au cas où t'es prêt à dégainer hein. Là c'est... Je passe pas en direct à la radio moi. Non, on est hors antenne là. On est hors antenne. On est en différé. Ah d'accord. Ouais, okay. T'inquiète. Attends, j'appelle. Je l'appelle Cristal là. Attends, bouge pas. Bouge pas, hein. Attends, ça sonne. T'es prêt, Jean-François? Ouais. Allô? Allô? Allô? Jean-François, comment vas-tu? Oh, Jean-François! Oh mais comment ça se fait que tu m'appelles? Comment t'as eu mon numéro? Ah mais... Il est relation. Oh là là, ça me fait plaisir que tu m'appelles. Il est relation. C'est vrai? Ah oui. Donc on s'entend. Oh, je suis toute surprise. Oh là là. Comment vas-tu? Ah bah je vais bien, oh là là, je mouille déjà. Tu mouilles déjà? Ah bah oui. Je m'attendais tellement pas à ce que tu m'appelles. Oh... Moi j'ai une masse en main là. C'est vrai? Et tu l'astiques? Bien sûr. Est-ce que tu l'astiques en pensant à moi? L'astiques? Oui, est-ce que tu le fais aller de haut en bas? De haut en bas? Oui. Et de bas en haut? Oh là là là là là là. Oh, c'est ça m'excite. Trop bon, hein. Oh bah oui. Oh, est-ce que tu peux crier Jean-François? Tu veux crier Jean-François? Oh oui, je avec veux. Avec qui t'es au téléphone, Cristal? Oh, il y a Vanessa, elle est là, elle est jalouse. Bah, oui. Non, mais t'es avec qui? Oh, je suis avec Jean-François. Non, Jean-François! Oh oui, il est là. C'est Vanessa? Oui, c'est oui. Vanessa, attends, je te la passe. Parce qu'elle est jalouse. Oh, Vanessa, elle est jeune? Non, je suis jalouse. Enfin, je suis jeune aussi, cela dit. Oui. Jalouse, elle est toute fraîche. Mais oui. J'aime pas quand tu parles à Cristal. Mais je te veux pour moi toute seule. Attends, moi aussi j'en veux. Oh non, écoute, chacun son tour. Eh ben, c'est mon tour. Vanessa. Oui, Jean-François. Quelle voix tu préfères, celle de Cristal ou la mienne? Pardon? Tu préfères quelle voix? Celle de Cristal ou la mienne? La mienne. Tu as bon goût. Elle est quoi, les plus sexy? La plus sexy, les plus bandantes. Ah, est-ce qu'elle te fait bander ou pas? Je bande déjà. Oh, quelle horreur. Ah, génial, j'adore. Combien de centimètres elle fait? Sans te mentir, 19. Ah, oh, 19 centimètres. Cristal, elle fait 19 centimètres. Oh, j'en veux aussi, j'en veux aussi. J'imagine. Oh là là, je veux qu'il me fourre. Qu'est-ce que t'aimes bien faire, Jean-François? Moi, j'aime bien essayer Kito. Oh, génial. C'est que femmes, ça les excite. Ça t'ennuie pas qu'on se touche pendant que tu nous parles? Attends, je vais chercher un mot. Ça excite les femmes, c'est excito. Comment? Ça excite les femmes. Oui, mais justement, dès que tu m'as dit ça, moi directement, j'ai mouillé directement une flaque. Tiens, venez ça, une t'as banane. Te caresser, là. Ah, mais complètement. Ah. Oh, oh là là, Vanessa, il y en a partout. C'est énorme. Oh oui, c'est m'excite. Ça coule de partout. M'excite. Allô? Dis-moi. Oui. Est-ce que tu peux crier ton prénom? Vanessa. Non, le, non, ton non. prénom, pas le mien. Moi, ça m'excite pas. Mais dis-moi, dis-moi, dis-moi ton prénom. Oh, oui. Encore. Allez, oui, Jean-François. Ah non, déjà? Mais on n'a pas commencé. Mais on n'a rien fait encore. Jean-François. Oh oui, plus fort. Jean-François. Oh, Jean-François, oui. Vas-y, oh, oui. Vas-y. Je sais que tu peux. Oh oui, je peux, mais dis ton nom. Jean-François. Dis-le plus fort. Jean-François. Dis-le encore. Jean-François. Oh oui, plus vite. Jean-François. Comme si tu me l'amourais comme une grosse cochonne. Oh oui. Je bande, j'en peux plus. Oh bon, si, je mouille, je mouille. Bande. Vas-y, dis ton nom. Jean-François. Encore. Encore, on est toutes les deux, on se caresse. Oh là là, on se fend des coucous. Vas-y, j'allais pas ça, jouis, toi. Oui. Oui, ah, une seconde, attends, dis j'arrive. Ton nom. Vas-y, toi. Dis ton nom encore. Je continue à me toucher, ne t'inquiète pas. Allez, caresse-toi. Ah oui, c'est ce que je fais. Mais dis ton nom. Encore ton nom, ton nom. Jean-François. C'est ce qui m'excite le plus. Dis le plus fort. Jean-François. Oh, encore. Crie-le. Ça, je vais jouir. Eh ben vas-y, m'écris ton nom. Vas-y, on veut entendre, comme la fois passée. Ah oui, fais-nous entendre. Je te fasse entendre. Oh, oui, oh, oui, on met le téléphone plus bas. Attention, préparez-vous à gerber. Ça entend, hein. Attends, hein. Oui. Oh, quelle horreur. Vas-y, Jean-François. Oui, oui, Jean-François. T'es excité? Ah oui, continue, t'arrête pas. Plus vite. On n'entend plus, Jean-François, va plus vite. T'as entendu là? Ah oui, continue. Ah oui, c'est génial. Oh là là, on était toutes chaudes. Continue. Ne t'arrête pas, écris ton nom, écris ton nom. Mais que moi, toi, un chat. Mais on s'en met plein. Ça y est, il est rentré. Regarde, mais écris ton nom. Attends, je mets la main chez Cristal. Ah oui. Ah, mais la pro plus profond, mais écris ton nom. J'ai mis la main complète. Mais écris ton nom, Jean-François. Jean-François. Oui. Ton nom, plus fort. Oui, plus fort, Jean-François. Encore. Oh, Jean-François. Jean-François. Encore. Plus fort. Plus fort. Jean-François. Ah oui. Oh oui. Ah oui, Jean-François. Jean-François. Oh, oh, dis-le. Jean-François. Encore. Vas-y, jouis. Encore, ah, encore. Joué, c'est bon, c'est trop tard. Allez, jouis. Non, mais nous, on n'a pas fini. Continue à dire ton prénom. C'est trop tard, dis-le. Vas-y, continue. Non, mais ton prénom, mais pour nous. Jean-François. Vas-y, continue. Jean-François. Allez, encore. Jean-François. Oh, vas-y, Jean-François. Oh, je sais, j'en peux plus. Oh, oh, oh, oh là là, Jean-François. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Oh là là, j'en peux plus. Ah oui, oui, là, bah, complètement, là. Oh là là, là là, c'est bon, là. Bon, hé, Jean-François, on est en direct à l'antenne, là. Ça y est, on vient de redémarrer, là. Comment ça va, mon pote? Ça va, mon pote, toi? Ça va, tranquille. Eh, on te dérange pas, là? Non, pas du tout. Pas ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? J'ai écouté le radio. Ah d'accord, ok, très bien, donc rien de plus. Parce que parce qu'on m'a dit que t'avais eu Cristal et Vanessa au téléphone. Ouais, j'ai eu. Attends, j'entends mal, remets le téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone, il est où là? Ouais, mon téléphone est sensible. Il est sensible. Bah oui, mais ramène-le tout près de ta bouche, on n'entend pas ce que tu dis là. Ah d'accord, ah voilà. Ah oui, là ça va mieux là. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as un peu discuté avec elle en antenne? Ouais. Et alors, ça s'est bien passé? Ah super. Bon, est-ce que le feeling passe? Ça passe. Bon bah génial, bah, écoute. Passe. Bon bah c'est super. Oh. Alors parce que justement, attends, on va prendre Cristal au téléphone là. Ça va, Cristal? Oui, allô? Bon, Alors, vous avez discuté de quoi avec Jean-François? Oh là là, c'était... Parle bien devant le micro, on t'entend pas. Oui, on t'entend mal, Cristal. Au téléphone. Voilà. Allô? C'était merveilleux, hein. Ah oui, c'était merveilleux. Qu'est-ce qui était magnifique. Attends, qu'est-ce qui était merveilleux? Oh là là, j'ai mouillé comme une chienne. Ah. Non mais attends, mais vous avez fait quoi, Jean-François? On a fait l'amour. Oh oui. Ah, vous avez fait l'amour? Oh, il m'a fait jouer comme une pute. Ah, au téléphone. Oh oui. Génial. Bon, oh, bah, c'était super. Énorme. Bon bah, hey, Jean-François. Oui. Je voulais te présenter Julie qui est avec nous, c'est une nouvelle. Salut Julie. Salut. Ça va? Oui. Bon, alors, il y a Jean-François qui est là. Dis-lui bonjour. Oh, je suis jalouse. Oui, Julie. Oh. Elle a dit bonjour Julie, on l'avait pas très bien compris, mais je suis traducteur de Jean-François. D'accord, parce que j'avais pas compris. Voilà, je suis comme Google, tu peux faire des Google Translation, oui, tu vois. Translation. Tu mets français-anglais, tu pousses sur un bouton, ça fait anglais-français. Eh ben là, on met français Jean-François. C'est pareil. Bon, alors Julie, est-ce que Jean-François t'excite? Ah non, pas du tout, non. Ah bon, alors quoi, bah pourquoi? Ah bah tu sais pas ce que tu rates, hein. Avec ta voix de pervers, non. Oh, mais non, Julie. Oh, alors. C'est parce que là, il était chaud avec Cristal. Et est-ce que Cristal t'excite? Non, pas du tout, non. Ou Vanessa? Oh là là, tu connais rien. Ah, aucun goût. Oh là là, t'as aucun goût, Julie, permets-moi de te le dire. Moi, j'ai bandé, moi. Mais oui, elle n'a pas de goût, elle n'a... Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah non, complètement. Bon, Julie, reste avec nous. Bah, Jean-François, merci d'être passé, en tout cas. Hein, ouais. Merci, mon pote. Je vais remettre la radio, là. Je me régale avec vous. Ah bah, j'espère bien que tu te régales avec nous, là. Et avec moi aussi, Jean-François. Oui, Christelle, je t'oublierai pas. Ah, parfait, alors. Allez, bon. Je te kissouille sur le gland. Bon, bah, tu rappelles quand tu veux, hein. D'accord, Michael. Salut, hein. À bientôt. Ah bah, nous aussi, ça nous a fait plaisir. Salut, salut. Salut, Mike. Ciao. Oui, Mike, salut. Tous les soirs, 23h, 2h. Michael, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Oh, Fun Radio. Ah, on était pas bien, on était très bien là. Oh là là. Il y a Miller de Souza qui dit le ouf, mort de rire. Cédric qui dit trop bon Jean-François. Magali qui dit j'allume la radio et j'entends Jean-François, mort de rire, continue comme ça, vous êtes au top. Jojo également, là, j'en peux plus, là, stop. Il y a Romain aussi, Mickaël derrière, c'est dégueulasse. Ah ouais, j'avoue que c'était assez dégueulasse. Hein. Johan aussi, mort de rire, j'adore Toff, il fait trop bien la femme, il devrait se travestir. Alors, bonne nouvelle, j'ai filmé Toff vite fait avec l'iPhone, là, pendant qu'il était en mode Vanessa, en mode Cristal, pardon. En mode Cristal. Et Clément aussi qui dit mort de rire, le mec écrit Jean-François, Lola aussi, je suis mort de rire, j'ai réveillé mes parents, tellement je rigole, vous êtes sérieux quand même. Bah oui, quand même. Et Florian aussi, bonne surprise Mickaël, j'en peux plus, je vous avais dit que j'aurais une surprise, hein. Rachel aussi, mort de rire, et extra aussi sur le Twitter, Jean-François, lol, je suis mort de rire, je vais réveiller tout le monde. Alex également, me fais défoncer par ma mère, arrêtez putain, je suis mort de rire. Allez, on se met le son de DJ Fresh maintenant sur Fun Radio, ça va vous réveiller, tiens, si vous étiez en train de vous endormir. Note avec Jean-François, pas sûr, on écoute DBDB Sound sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue tout le monde. DJ Fresh sur Fun et DBDB Sound. Il y a Wada aussi qui dit mort de rire, ma femme s'est réveillée, elle a cru que je matais un film de boule. Il y a Miller aussi, Jean-François doit bien regarder Jackie et Michel, lui à mon avis, la petite portugaise sur le Twitter. Mort de rire, bande de tarés. Lola aussi, Jean-François il m'a tué. Il y a Juliette également, je pleure encore de rire. Ta voix est plus que bandante. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, il préfère Vanessa. Oui, t'as vu. Toujours beaucoup de chance. Nicolas aussi. On est hors antenne, t'inquiète, bande de putes. Vous êtes vaches, mais on vous aime quand même. Dédicace à l'Aude entière. Eh bon, on embrasse toute l'Aude. Et Johan aussi. Moi, je dis, ça sent l'appel de Jean-François, le retour de Vanessa. Ah oui, c'est quand j'avais dit que j'avais une surprise, ouais. Pété de rire, il y a une préférence pour Vanessa, t'es dans la merde, Mika. Oui, bah plutôt, hein, comme t'as pu le remarquer, en effet. Ouais. Bon, 1h18 avant de récupérer notre amie Julie, donc qui a son copain qui la prend pour une idiote, en fait. Hein. Il la cache, il ose pas la présenter à ses potes, etc., etc. Si ça vous est déjà arrivé, les filles, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Je vous avais parlé du très très lourd au niveau du chéri, je peux te faire cocu. Eh ben, je vous l'avais promis, il arrive, il est là maintenant. C'est avec Daniel qu'on avait eu l'occasion de recevoir à 1h18 ce soir-là. Daniel, donc, on va faire un chéri, je peux te faire cocu, où c'est un mec qui va piéger sa femme. Ouais. Ce qui arrive rarement. D'habitude, c'est plutôt la femme qui piège le mec. Mmh. Et donc, on va accueillir Daniel qui est avec nous là. Comment ça va, Daniel? Bon, ça va bien et vous? Bon, bah oui, ça va bien. Ouais. T'appelles pourquoi, Daniel? Pour faire le chéri, est-ce que je peux te faire coucou? Ah, parfait. C'est vrai que d'habitude, on a plutôt tendance à jouer avec des filles qui veulent piéger leur mec. Mais finalement, c'est pas plus mal. On va faire un petit peu le sens inverse. On l'a fait rarement, mais on va le faire sans problème. Un petit peu d'égalité dans cette émission. Exactement. Bon, alors, parfait. Chéri, je peux te faire coucou, magnifique. On va donc appeler ta copine. Comment s'appelle-t-elle? Emeline, très bien. T'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ok, très bien, c'est noté. Et tu l'as trompé combien de fois? Ouais, en vrai, tu l'as trompé combien de fois?

pas facile à vivre tous les jours. Hein. Mister Steven qui dit il est génial le chéri, je peux te faire cocu. Trop réaliste pour extra. La petite fée qui dit ah, putain de femme, la salope. Attachant qui dit elle est virulente, j'adore. Et Wada aussi, mort de rire, je suis plié. Il y a même Célia également qui dit là, comment elle t'insulte. Ah ouais, j'ai pris cher aussi. Hein. Je lui arrache les couilles avec les dents. Oh my god, elle est malade pour la petite portugaise. Oui, c'est vrai que c'est un peu violent quand même pour le coup. Hein. Bon, on va se faire. Alors, je vous en ai parlé du nouveau son de 30 Seconds to Mars avec Afrojack. Mmh. C'est un remix validé par Jared Leto, c'est Do or Die. Je vous le mets maintenant, tiens, voilà, première fois que vous l'entendez en France, en Belgique, je vous le mets maintenant, vous me direz tout simplement ce que vous en pensez. Attends, remets-le, c'est moi qui fais de la merde. On va le remettre, voilà, hop là, c'est parti. Le nouveau son 30 Seconds to Mars avec Afrojack. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Hashtag et Mickaël, on l'écoute maintenant. Oula, pardon, j'en suis oublié d'allumer le micro du coup. Tiens, voilà le 30 Seconds to Mars à l'instant, remixé par Afrojack avec Do or Die. Et Elliot qui remix de 30 Seconds to Mars par Afrojack. Mais quel kiff, Mystique aussi, j'adore leur mix, il est très très fucking ouf. Et je rappelle qu'il y a toujours la vidéo d'ailleurs, hein, quand il est passé nous voir il y a quoi, 3 semaines maintenant dans l'émission. Et il y a la vidéo quand il a commandé sa pizza en français qui était très très fucking ouf. Et qui est arrivée. Et qui est la pizza qui est arrivée évidemment. Oui. Vous pouvez toujours voir ça évidemment sur la chaîne YouTube de l'émission, tapez Mickaël officiel ou alors sur le Facebook. Il y a Extra qui dit génial le son, trop bon son pour samouraïs.exe, attention virus. Kevin qui dit le son a de la gueule, pas comme Toff et sa tête de gland. Célia qui dit elle va bien, ouais, la chanson. Chris qui dit elle a l'air posé ce remix. Il y a le Doc Coco aussi, pas mal le son, j'adore. La petite fée qui dit perso je valide, un très très bon son. Ouais, il est plutôt cool. Ouais. Le prince Nadia qui dit pas mal le son et Elliot qui dit un nouveau son remix de l'Afrojack, c'est cool. Et Chris aussi, je meurs de rire quand Mika crie oh hé hey, oh oui, mais ça me tue la voix hein, comme vous avez pu le remarquer hein. Et Maxime qui dit je lui arrache les couilles avec les dents la meuf. Bon bah dites moi si vous voulez qu'on le remette à l'occasion, le son de 30 Seconds to Mars avec Afrojack. T'as aimé ou pas Julie toi? Oui, j'ai bien aimé, c'est sympa. Bon d'accord, ok, c'est cool. On fera d'autres appels avec Toff dans quelques minutes, mais avant cela il y a Ali qui est avec nous là, qui voulait donner son avis par rapport à toi, par rapport à Julie, donc qui nous avait appelé, son copain qui la prend pour une truffe hein, on peut dire ça, ouais. Comme ça n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Bah écoute, oui, j'ai décidé d'être poli là tout d'un coup. C'était beau, c'était mignon. Oui, tout d'un coup. Et donc, tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu dois le virer, pas le virer. Plein de messages sont arrivés en disant qu'il faut que tu fasses le ménage et que tu le dégages. Ouais. Voilà. Alice, si tu dis si on te dérange. Hein. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Comme t'es en train de siffler, je me dis bon. Ouais, s'ennuie. Ah ben il s'ennuie peut-être, je sais pas. Bon alors, bienvenue à toi Ali, tu voulais donner ton avis à Julie toi? Ouais, Julie, en fait, c'est pour savoir un truc. Est-ce que t'es une fille vulgaire ou bien est-ce que t'as un défaut qui se remarque rapidement? Moi, je suis très crue, en fait. Ah, bah oui. Voilà, mais tout s'explique. Parce qu'en fait, moi, il y a pas si longtemps que ça, j'étais cherché avec une fille. Ouais. Elle était pas présentable, parce qu'en fait... Non, mais c'est pas ça le problème. C'est que ça fait au moins un an qu'on est ensemble. On a fait une coupure, parce qu'il était trop papa. Et moi, je veux dire, j'ai 21 ans, je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Et on s'est remis ensemble, il a fait des trucs pas bien. Et après, pourquoi, quand on se remet ensemble, il veut me cacher à ses parents et à ses amis, alors que ça fait quand parce même... Parce que toi-même, tu l'as dit, t'es une fille très crue. Il a peur que tu fasses un truc un peu hardcore devant ses parents, tu vois. Parce que déjà, t'es contre le fait qu'il soit trop proche de son père. Oh, non, il a peur que tu te laisses un peu aller devant ses parents. Il s'appelle toute la journée. Je veux dire, il le voit le soir et il s'appelle toute la journée. Ouais, mais c'est son père. Ouais, et alors, moi, mes parents, c'est pas pour autant que je vais les appeler tous les 5 minutes. Ouais, mais bon, ouais, après, il y a peut-être un... Après, tu vois, c'est différent en fonction des personnes, tu vois. C'est ça, il y a peut-être un lien et tout ça. Il y a peut-être un lien, tout ça, qui fait qu'ils sont peut-être proches. Maintenant, après, qu'il les appelle souvent et tout, mais si après, s'il va demander non-stop des trucs, ouais, tu peux m'aider, tu peux faire ci, ouais, tu peux faire ça. Ouais, ça, je peux comprendre. Papa, tu peux m'aider au travail, papa, tu peux aller voir mon patron parce qu'il m'a gueulé dessus. Ah ouais, non. Faut qu'il se démerde tout seul, je veux dire. T'abuses un peu, là, je sais pas. Il a 20 ans... S'il sait pas se démerder avec son patron, il sait pas ouvrir sa bouche, c'est son problème, mais qu'il ne demande pas toujours à son père. Non, on est d'accord. Moment, moi, ça me fait péter un plomb parce que je ferme ma bouche vis-à-vis de ses parents, parce que je peux pas les saquer, mais à un bout d'un moment, je vais péter un plomb. Ah, il y a assez aussi, voilà, tu peux pas les saquer. Pourquoi qu'il est venu te présenter à ses parents? Parce que c'est très mec, un jour, tu peux péter un plomb, et il a peur que ça envoie une mauvaise image de lui à ses parents. Ouais, mais bon... Ah oui, mais bon... Bah oui, mais... C'est soit il fait sa vie avec ses parents, il va coucher avec son père et sa mère, ou soit il vient avec moi, c'est tout, c'est comme ça. Mais enfin, quand tu lui dis, il dit quoi, Julie? De comment? Quand tu lui dis ça, il dit quoi? Bah rien, il est là, je sais pas, et ça a le don de m'énerver quand on me dit non, mais tu veux un conseil? Ouais. Mais déjà, je te dis, déjà, essaye d'être un peu plus cool. Et déjà, dès qu'il parle de son père, sois d'accord avec lui d'abord. Parce que je pense que lui, il doit penser que tu détestais ses parents. et que jamais ils te présentent à eux, tu sais, à mal finir, tu vois. Ou bien genre tu vas t'embrouiller avec eux, je sais pas. Le truc, c'est que ses parents, ils me connaissent, quoi. Ils me connaissent, ses parents. Parce ils te connaissent avant déjà. Avant qu'on casse, j'allais chez eux, machin, on va ensemble et tout. C'est là depuis qu'on s'est remis ensemble. Comment? Pourquoi tu veux qu'ils te présentent s'ils te connaissent déjà? Bah parce qu'ils me cachent en fait. Il veut pas leur dire qu'on ressort ensemble. Parce que lui, il préfère faire ses petites magouilles sur son téléphone, envoyer des messages à des meufs. Ouais, machin, tu me manques, nanana, faire ses trucs de gamin. Je veux dire, il y a un bout d'un moment, soit il fait ce qu'il veut, il dit, bon, bah, je m'en remets vraiment avec toi, j'ai pas besoin de te cacher à ma famille et à mes amis, soit je te quitte et je vais voir ailleurs. Ah, moi, tu sais quoi, Julie pas, je pense franchement qu'il est passé autre chose et qu'il a vécu une nouvelle fille et qu'il veut éviter que... Voilà quoi, que tu fasses du scandale. Ouais, Julie. Julie, moi il y a un truc à mon avis, hein, tu devrais lui dire simplement, écoute, donc tu lui dis tout ce que tu viens de nous dire là d'un coup, et tu lui dis voilà, donc soit tu changes parce que moi j'ai envie de sortir avec un mec, pas avec un gosse. Donc soit tu changes, soit je me casse, ou alors tu te barres et tu dis voilà, écoute, je me casse. Ça s'est passé, ça s'est très mal passé. Eh ben ouais, mais alors tant pis, bah viens là. En fait, c'est ça le problème, parce que la dernière fois, je l'ai chopé et je l'ai plaqué contre. Mais c'est normal, hein, Julie, en même temps, tu nous fais peur aussi. C'est pour ça qu'on n'aimerait pas que tu restes trop longtemps avec nos téléphones parce qu'on est un peu terrorisé là. J'ai juste un caractère de merde et quand j'ai un truc à dire, je le dis, c'est tout. Non, mais ouais, c'est mais, bien. Oui, d'accord, mais enfin, de là le taper, il y a un moment. C'est pas le taper, je l'ai mis contre le mur, je lui ai dit tes couilles. Julie, c'est tout. Tu passes jamais, tu prêtes de la radio à Paris, tu passes jamais? Non, pas souvent, j'y vais maintenant. Ah putain, parce que sinon t'aurais pu venir, t'aurais pu taper Toff, te faire plaisir et tout, comme si c'était ton moi, mec. Ah y a pas de problème, je suis passé, mes parents ils habitent à Paris, donc ça ah va. Bah, parfait. Ah bah génial. Et puis je pense que tu dois faire des concessions dans un couple. Ouais. Oh ouais. C'est beau Polo ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je suis pas en couple. Ouais, et puis c'est parce qu'il y a Polo contre le reste du monde qui débarque et vous savez que c'est une émission d'écoute, de dialogue, de partage, de psychologie exactement. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il est déjà en mode Polo contre le reste du monde. Psychologie animale. Bah merci Ali, t'as quel âge toi au fait? 17 ans, j'ai déjà passé à la radio. Putain, t'as une voix, ah, mec. T'as 17 ans, t'as... Oh putain, la vache. Ouais, t'as une voix qui est plus allée, on a peur, nous. On est allé sur foot. Bah c'est bien, c'est plutôt un compliment, Ali. Elle dit, oh la vache. J'ai passé à la radio, en plus, il y a pas très longtemps. Non, mais oui, tout à fait, ouais. Ali et Abdou. Ouais, Abdou, ouais, c'est ça. Et t'avais oublié mon prénom à la fin de l'émission. Exactement. Et d'ailleurs, comment tu t'appelles? Mais je vais te diffler. Mais tu veux que je te biffe ou quoi? Ah non, c'est plutôt le délire de Toff, ça. Moi, les coups de bite dans la gueule, moyen, hein. Mais bon, après, chacun son délire. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas, Ali. Je passe ma dédicace. Eh ben, écoute, bah vas-y alors. Hein. Ok, ben déjà, je passe une dédicace à vous, parce que vous êtes Gino. Oh, c'est gentil. Je passe une dédicace à la time Twitter. Je peux un peu énumérer les noms, ça. Bon, et vas-y, parce que j'avais oublié ton prénom la fois passée. Mais pas 3 heures, hein, parce que ça fait chier tout le monde. Déjà, non, mais la time Twitter, tu vois. Ouais. Il y a Abdou, il y a Drakit, le prince Nadja. Margot du 26, Lesbie Freak, 69 degrés, Indul Pupiou, et il y en a d'autres que j'ai oubliés. Ah oui, certainement, parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est sur le Twitter notamment. Ouais. Bah, pas de problème. C'est qui jute le plus. Ça roule, bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Ali, en tout cas. Pas de fun. Tu vas gérer ça, je te repasse Sandro maintenant, là. Ok, c'est cool. Ça roule. Salut, Ali, merci à toi d'avoir appelé, à bientôt. Pas de problème. Ciao à toi, bye bye. Il y a Alexandra aussi avec nous, là, 33 ans. Salut, Alex. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Oh, cette voix ça sexy. Va. Non, tu très te rejoins de l'armée des doux. T'es dans l'Indre, Alexandra? Oui, c'est ça. Très bien. Tu nous appelles pourquoi, Alexandra? Pour engueuler Toff gentiment. Écoute, alors avec grand plaisir, l'antenne est à toi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tout à l'heure, tu as dit qu'une infirmière pouvait pas tweeter tout en étant au boulot. Donc là, je suis au boulot. Ah non, au contraire, moi j'ai dit que c'était tout à fait possible. Non, c'est faux, il a exactement dit ça. Moi j'avais dit justement l'inverse. Ouais. J'ai dit raison. Que tout était possible et c'est lui, cet enculé, qui a tout changé quoi. Vas-y Alexandra, combien mesures-tu? Attends, j'ai pas fini de t'engueuler. Mais d'abord tu me dis combien tu mesures et après non, tu. Non, engueule-le, Alexandra, allez, engueule-le, attends. Te laisse pas faire, attends, c'est une couille molle. Je lui en mets une pour toi. Non, Alexandra, combien mesures-tu? Donc oui, dans les urgences. Donc combien mesures-tu, Alexandra? Non, il faut pas qu'elle réponde. Gueuler d'abord. Mais si, il faut qu'elle réponde et après elle finira par m'engueuler. Vas-y, bah, Alexandra, démonte-le. Combien mesures-tu, Alexandra? 1m70. Combien pèses-tu? Non. Ah, mais maintenant, si. Je t'engueule. Ah non, d'abord tu me dis comment tu es et après tu peux m'engueuler. Chaque chose en son temps. Donc, d'accord, 1m60. Combien pèses-tu? 62 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et la taille des pantalons que tu as achetés? 38. Bon, j'arrête la musique parce que je veux savoir qu'est-ce que tu as dit. Vas-y, engueule-moi. Dis-moi que je suis un vilain garçon. T'es un vilain garçon qui aura besoin d'une bonne injection aussi. Oui, injecte-moi tout ce que tu veux. Dans l'œil. Comme ça, on va le tuer avec une bulle d'air. N'importe quoi. Non, l'insuline, c'est plus radical. Est-ce que tu pourras me dire en antenne un produit qui est incolore et indolore, que je puisse lui mettre dans sa bouffe ou dans une veine de la veine du cul pour qu'il meure? C'est mon rêve. Dire, en fait, là. Hein? Je viens de le dire là. Non, mais il faut pas le dire à l'antenne pour pas que les gens le fassent. On se crède. Parce que Polo veut garder la primeur de mon assassinat. De son assassinat. Décès. Voilà, en mode discret, ouais. C'est ça, exactement, ouais. Bon, qu'est-ce que tu as encore des trucs à lui dire à Mais toi, oui, engueule-moi encore. Ouais, donc oui, aux urgences, je comprends tout à fait qu'elles ont pas le temps. Mais là, toi, moi, je suis en psychiatrie. Franchement, je vais pas les réveiller impatient. C'est marrant, ça m'étonne pas que tu m'appelles du coup. Oui, c'est bizarre. Hein bah ouais, hein, c'est bizarre. Hein. Ouais. Étonnant. Hein. Vu comme ça, maintenant, je me dis c'est normal. Et ça va en psychiatrie, c'est cool. Ouais, c'est assez cool, hormis quand c'est un petit peu chaud des fois, mais... Oui, bah, vie, évidemment. Cool. Et évidemment. C'est un peu chaud, c'est-à-dire vous faites l'amour dans les couloirs? Non, il y a des patients qui doivent péter un plomb. Oui, voilà, c'est plutôt ah, ça, pardon, qui casse les portes et qui... J'ai pas compris. D'accord, bon, bah, écoute, bon courage, Alexandra. Tiens, t'as pas un conseil à filer à Julie, toi, pour finir, tant qu'on est là? Oh, bah si, plate-le. D'accord, ben voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que j'ai dit depuis le début, Julie. Hein. T'es un peu violente aussi, toi. Non, non, mais elle a raison. Je peux juste passer une petite dédice, Oui, bah vas-y, écoute, on va pas te dire non, on voudrait pas te froisser. Hein. Oh, quand même. Tous les petits tweetos, etc., de la part de Sarasvati. D'accord, très bien. Ah, c'est toi, Sarasvati? Ah, ouais, c'est moi. Et merci pour le t-shirt. Ah, bah de rien, avec plaisir. T'as pris lequel finalement? Avec le Mickey, je crois, non? Non, j'ai pris la tête de mort. Ah, la tête de mort. Ouais, mais c'est ça, il y avait la tête de mort et la tête de mort en version Mickey. Et toi, t'as pris la tête de mort. Hey, t'es déjà livré, t'as vu un peu? T'as gagné quand? Oui, déjà livré. J'ai gagné quand? Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Eh ben voilà, deux semaines et hop là là, déjà livré. T-shirt offert par Tof. Comme un air de rock. Évidemment, voilà, c'est ça, super. Mais c'est pour mec en même temps, c'est peut-être ta filet à ton mec, Alex? J'ai pas de mec. Non, je l'emmerde, je l'ai gardé. Ah, donc tu le gardes pour toi? Oui, je le garde pour moi. Ouais. Eh ben écoute, pas de problème, alors impeccable. Ça marche. Salut à toi, Alex, gros bisous. Salut, gros bisous. Ciao, à bientôt. T'as envie d'écouter un son particulier, Alex? J'adore Tsunami, mais. Dubs. Attends, où est-ce qu'il est celui-là? Où est-ce qu'il est? Tsunami. Et toi, Julie? Non, pas particulièrement. Parfait. Arrête de fumer, Julie, ça va te tuer tout ça. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pour calmer sa nervosité vis-à-vis de son mec. C'est ça, ouais. C'est pour pas aller taper ce soir. C'est ça. Bon, très bien. Bon, on va te le mettre maintenant, Alex. Gros bisous. Merci, gros bisous. Je t'en prie. Ciao à toi. Bon, bah, Julie, tu le dégages, hein. Ouais. Voilà. C'est la meilleure chose à faire. Bah, hein. Je pense aussi, ouais. Je te fais des gros bisous. Oui, c'est pour juste pour savoir, est-ce que je pourrais avoir un pack ou pas? Oui, bien sûr, je vais te remplacer Sandro maintenant, pas de problème, tu vas gérer D'accord, ça avec elle. Merci. À bientôt, gros bisous Julie, salut. Bon, ben voilà, elle nous avait demandé Alex là, le son de Dubs avec Tsunami. Eh ben, on va se faire péter ça maintenant. C'est parti, bonne nuit tout le monde, il est 1h50 sur Fun Radio. Et il y a plein de messages qui arrivent là aussi encore, à cette heure-ci d'ailleurs, je vais continuer à les lire. Ah oui, aussi, bonne nouvelle, je vous ai mis la vidéo de Tof qui est en mode cristal en train de chauffer Jean-François. Alors c'est moi qui ai filmé, donc j'ai pas pu me filmer moi aussi en faisant Vanessa, mais allez voir, c'est sur le Facebook et le Twitter, hein, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Il est 2h10, il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Voilà, c'est Alex qui avait demandé le son de Tsunami Dubs à l'instant sur Fun Radio. La bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat, évidemment. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Ah bah non. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, il est 1h55 sur Fun Radio. Il y a plein de messages qui sont encore arrivés là. Il y a Toulaï qui dit comment peut-on faire pour joindre l'armée des doux? Eh bien, vous pouvez vous inscrire à l'armée des doux, je choisirai. Voilà, armeedesdoux.com. N'hésitez pas. Il y a Guillaume qui dit je vous ai pas écouté depuis une semaine, je mérite quoi? Bah dis donc Guillaume, tu mérites un gros coup dans ta gueule. Dans ta gueule de merde. Un coup de pelle. Il y a le Doc Coco qui dit Tof, ne t'inquiète pas, l'armée des doux est là pour te soutenir pour les Paralympiques. Oui, pour les Paralympiques. Ah oui, là pour voilà. Ça, oui. Le prince Nadia qui dit Mickaël, si ton mec te cache, c'est qu'il a honte de toi, cherche pas plus loin. Dis donc, arrête de dire des phrases comme ça. C'était une auditrice qui avait posé la question. Vu comme ça, t'as l'impression que c'est moi qui me plains. Ouais, Priscilla qui dit JF, ah là là, je suis plié. Et alors Lime Hit Radio qui dit ça recommence à me faire rire sur Fun Radio. Eh ben merci à toi d'écouter. Et puis Mystique qui dit oh putain, ça y est, je commence à rigoler, j'ai mal de gorge, pas possible, demain je sens que je vais être à faune avec vos conneries. Mais non. Bon allez hop, c'est parti maintenant pour Polo contre le reste du monde. Une émission à l'écoute, une émission d'écoute, une émission de psychologie, une émission de douceur. C'est le mot que je cherchais, effectivement, de douceur. C'est avec Polo, comme tous les soirs, 1h55, c'est parti. On y va! Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio, on commence tout de suite avec Jean-François. Oh non, pas lui. Bonsoir. Salut Jean-François. Qu'est-ce que tu veux, Jean-François? J'aimerais qu'on fasse une association. Ouais, allez, casse-toi. Alexis. Ouais, t'aimes les bites? Ah non, et toi, t'aimes les bites? Non. Eh ben alors, pourquoi tu me poses cette question, idiot? Ouais, comme ça. Hein? Ah, abruti, va. Gagic ou Gagic? Gagic? Ouais, je suis là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta mère derrière? Non, parce que si je me fais choper, je suis mort du cul, Mickaël, si tu pouvais m'acheter un pied. Et quoi, tu mords du cul? Non. De quoi, Gagic? J'ai dit que normalement, je dois dormir, j'ai pas le droit de parler. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis juste venu te défoncer, en fait. Ok, super. Toff, le retour. Allô, Toff? Toff? Ah, Toff n'est pas là. Le webmaster. Ouais, allô, pardon. Allô, le webmaster. Allô, Paulon? Oui, le webmaster. Ouais, dis-moi, je voulais savoir si je pouvais te faire un site internet. Bah ouais, le webmaster, ça me coûte combien? Ah bon, écoute, alors faut que je réfléchisse, mais ce serait Paulo contre le reste du monde. Non mais ça me coûterait combien, le webmaster? Le webmaster, ça vous coûterait combien? Ah bon, écoute, je sais pas. Oh là là là là, Cristal. Oui, allô, Paulo? Oui, Cristal. Oui, voilà, en fait, je t'appelle parce que j'ai rencontré un homme. Ouais. Mais voilà, je sais pas s'il est fait pour moi. Mais j'en sais... comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas voyant, Cristal. Ben oui. Mais... Allez, fous le camp, Gagic. Oui. Toujours dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Non. Et tu vas pas me croire. Mais la première fois que j'ai vu ton image sur une radio, ouais. J'avais mon défunt dans les mains, il a gerbé en voilà. Ça c'est drôle, Gagic. Jean-François, dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. On pourrait faire une association de pédophilie. Non, avec allez, casse-toi d'ici, espèce d'abruti, va, t'es un imbécile. Gagic. Oui, et bah ouais. Si, j'ai entendu dire, ta mère, elle a tellement vu ta sale gueule qu'elle a perdu ses cheveux. C'est pas mal, ça, t'en as d'autres, t'es comme ça? Bah ouais, elle doit avoir perdu aussi ses dents, voyons. Parfait, Cristal. Oui, parce que, voilà, tout à l'heure, il m'a appelé, et j'étais tout excité, je me suis inséré à concombre. Bah continue, vas-y, continue, Cristal. À quoi? Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-François. Vas-y, bah continue, dis-le. Jean-François. Dis-le, mets le concombre. Ah, Jean-François. Continue, Cristal. J'en ai mis deux, j'ai avec un, je ne sens plus rien. Vas-y, Cristal, oui. Continue. Continue, vas-y, ne quitte pas, vas-y, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, le webmaster dans Polo contre le reste du monde. Ouais, Polo. Ouais. Dis-moi, ben, je voulais te faire le site, alors on va le faire en HTML Flash QR2. D'accord, et ça me coûterait combien? Bon écoute, je pense que je peux te le faire pour pas trop cher. D'accord, mais ça veut dire quoi, pas si trop cher? Si tu me fais une petite commande de dominance. D'accord. Je peux le faire pour d'ici 2017. D'accord. Est-ce qu'on signe le contrat? Ben ça fait un peu long, le webmaster. Gagic, le retour. Ouais, et tu vas pas me croire. Ouais. Sur internet, j'ai marqué gros bouchon du monde. Ouais. J'ai trouvé ta gueule coincée entre deux singes. Bravo, Gagic. Cristal, le retour. Oui, Paulo. Ouais. Je suis trop excité. Allez, continue. Ah, oui, mais non. Vas-y, continue, Cristal. Continue. Continue. Je m'insère. Je m'insère. Et on va terminer ce Polo contre le reste du monde avec le webmaster. Oui, bon, écoute, comme tu m'as dit, ok, ben, je m'y suis mis tout de suite. Donc, ouais. Je commence dans 3 semaines. D'accord, ok. Merci, le webmaster. Ah, ben, de rien. Allez, va-t'en. Gagic. Allô, le petit bouffon. Vas-y, conclue. Mais ta mère, le bouffon, pédé. C'est vrai. C'est t'as rien d'autre. La vérité, mec. T'sais, j'ai entendu dire que la vérité blesse. D'accord, allez, casse-toi. Ça me blesse pas du tout. Et pour terminer, Cristal. C'est trop tard, Polo. J'ai joué. Oh, bah tant mieux. Au revoir, Cristal. Tu reviens demain? Oui, je viendrai te sucer la bite. Allez, casse-toi. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui ont participé. Si. Et merci à ceux qui n'ont pas participé. Rejoignez l'armée des doux. Car bien nous bien. Sommes une armée puissante et... Tout à fait, évidemment. Bon, bah 2 heures, tiens, on va appeler à Mr Pepper qui dit « Oh putain, surprise de balade tout à l'heure avec Jean-François. Vous êtes des gros bâtards pour Nowhere, c'est par rapport à tout à l'heure avec Jean-François également. » Et puis Sullivan qui dit « J'espère que le shérif, je vais te faire cocu, va donner. » Oui, c'était pas gagné le premier, mais le deuxième a été plutôt une réussite. Voilà. Bon, on se retrouve, nous, demain, bien sûr, en pleine forme à partir de 23h. On va d'abord faire le top tweetos. Et grâce aux auditeurs, enfin c'est pas grâce puisqu'ils me l'ont rappelé que j'étais un idiot, c'est que j'ai oublié de faire le top tweet aussi hier. Oh bah zut alors. Ah bah oui, complètement, désolé hein, j'ai oublié de faire le résultat, je suis désolé. Donc ce soir top tweetos numéro c'est le numéro 1 qui gagne, donc numéro 5. Alors le numéro 5 c'est Célia. Numéro 4. Elliot. Numéro 3. Fred S34. Ah, il a perdu sa première place. Eh oui. Ah, il était premier. Numéro 2. Chris. Numéro 1. Drakit. Drakit qui, mes souvenirs sont bons, déjà gagné Drakit. Il me semble. Bah ouais, donc on offre. Enfin, s'il a pas gagné, il gagnera, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il a déjà gagné, évidemment, ce sera le numéro 2, numéro 3. Bref, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'ait pas encore gagné, bien entendu. Bon. On va se faire également le générique, bien sûr, avant de partir. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's party. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, toi te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement cul. Eh ouais. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton oncle. Ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Oh, c'est de merde, avec ton accent pourri là. Espèce de gros bâtard de ta race, hein. Je te prends un coup de pied au cul et comme ça, je te jure que ça va se passer dans vite chier quelque part, espèce de gros bâtard de tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà pour Lilou. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été fidèle comme chaque soir. Il y a Sofiane, je viens de voir son message maintenant, il l'a posté à 22h30, désolé. Je demande un style message de bienvenue, je demande tous les soirs, j'ai jamais de réponse, mais je suis toujours aussi fidèle. Bon Sofiane, j'espère que t'es vraiment fidèle, hein, puisque du coup je vais te le mettre maintenant, tiens, voilà. Tu vas voir, je vais mettre du Nutella sur ma bite et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. Hein. Voilà, voilà, t'as eu un bien sale Sofiane. Sale. Et Mickaël qui dit coucou, coucou l'équipe, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Ferigi et le mien. Est-ce qu'on a droit à une musique et un petit cadeau, monsieur pâtissier? Oui, bah la musique, pas de problème. Alors attends, je vais te la mettre la musique anniversaire, tiens. Alors aujourd'hui, j'espère que le message n'est pas arrivé il y a trop longtemps, parce que ça veut dire que sinon c'était hier. Ouais, ouais, forcément. Ouais. Allez hop, musique de l'anniversaire. Bon anniversaire à toi. Voilà. Jean-François. Voilà, passez une excellente nuit. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui étaient connectés comme tous les soirs sur le Facebook, sur le Twitter, à tous les nouveaux qui ont débarqué également. Il y avait Salma, le sénateur également, qui dit non, pas la fin, vous allez me manquer. Ah oui, mais merci Salma. Une nouvelle, je ne sais pas, qui a débarqué ce soir ou qui a débarqué récemment. Il y avait Mika Lapéro, il y avait Alex également, il y avait Chris, il y avait Mister Paul du 69, Drakit bien sûr, infidèle, Fred S34, il a fini 3ème, pas mal, hein, Fred S34. Angie également qui était là, il y avait David et puis bah tous les autres, hein. Eway, Touley également, là, la petite fée bien entendu. Jojo qui était là, Sébilou du 7-3, Serge, etc. William, Laetitia, Jason 687, bref, il y en avait plein. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Merci également, on se retrouve demain à partir de 23h. La bonne soirée Apollo. Bonne soirée. Toff également qui va faire quoi? Bah je vais rentrer me branler. D'accord, ok. Un petit porno et je vais dormir. Bon bah parfait, Sandro, bonne nuit également, hein. Qui va faire quoi? Bah je vais me goinfrer. T'as raison, voilà. J'ai trop faim, faut que je tienne, faut pas que je mange en rentrant. Ah ouais, parce que c'est régime depuis. Enfin sur régime depuis soir. Ça fait 8 ans que je dis que c'est régime depuis soir avec Sandro. Enfin bon. Allez, bonne soirée tout le monde. Bon courage à ceux qui reprennent les cours pour demain, pour la deuxième fois, hein, deuxième journée donc. Et puis profitez bien les autres, les enfoirés, là, avec tout le soleil toute la semaine là. Vous êtes mis plutôt bien là en termes de vacances là. Salut tout le monde, à demain 23h. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et c'est notre ami JB qui est de retour. Et j'ai cru que t'étais décédé. Non mais... Non, c'est vrai, on a eu peur. Je suis des albums. Depuis le temps que t'es pas parti... Décédé. Mais pourquoi t'as... Tu vois, tu viens à peine d'arriver, c'est déjà bien, j'ai... Bah voilà. On va mettre un disque, Ah ouais, Shinsekai, j'adore. Ah ouais, bah attends, on va mettre autre chose alors. Attends, qu'est-ce qu'on va mettre Bah t'es bien, Paul. Ouais, tu sais, le français, il mais attends, quel retour de vacances. J'avais promis de faire l'ULM, je l'ai mis. Attends, moi j'ai... Non, j'ai pas mis. Non, le nouveau. Non, nouveau, non, Marilyn. Putain, bah voilà, je devais le mettre, tiens, hop là, voilà. Voilà, Pharrell Williams avec Marilyn Monroe. Ça groove. Ça groove, ouais. Ça groove. Juste un détail, c'est quoi cette chemise en bois là? Bah écoute, je sais pas combien tu prends en sur fait, Fun, mais moi je suis bûcheron la journée et donc voilà, je viens à la radio le soir. Il est content. C'est nul, JB. Bah, je suis ça tape, c'est ça, tu vois, c'est parce que c'est... Non, non, c'est parce j'aime que c'est une vanne qu'il a improvisée. Ouais, parce que d'habitude, elles sont mauvaises, mais elles il les écrit. Elles sont écrites. Là, elles sont dramatiques, puisque improvisées, donc... C'est un brouillon. Une catastrophe, ouais, quoi. Ouais, bon, bah, j'ai du travail pour demain. Ouais, bah, bon, j'espère bien. Bon, bah, écoutez, nuit sans pub jusqu'à 6h. 6h, Bruno dans la radio. À la France. Salut, c'est Bruno Guillon. Rendez-vous demain, juste après le VinFun, à partir de 23h sur Fun Radio. Allez, bon courage avec JB jusqu'à 6h. 4h, ça va vite passer. J'adore. Mais on s'en branle. What can we do? We'll help this romantics.